si ce que le Christ n'a pas dit n'a pas été dit par le Christ, comment on peut en parler? Bon. Jusqu'à date, les évangiles apocryphes ou ceux qui ont été publiés ont tenté de divulguer ce que le Christ avait dit. Et c'était assez facile de comprendre que cela se peut, étant donné que le Christ l'a dit. Donc, il fallait simplement que quelqu'un écoute, et la personne qui écoute va donc commencer à en parler. Alors, c'est donc facile de parler de ce que le Christ a dit. Maintenant, comment pouvons-nous arriver à oser vouloir parler de ce que le Christ n'a pas dit? C'est le fondement de la question. C'est extrêmement simple à expliquer. Maintenant, une chose est certaine, c'est que plus une personne va avoir de mémoire, c'est-à-dire que plus une personne va se fier à ce qui a déjà été dit par d'autres, plus une personne va se fier à ce qui a été écrit par d'autres, que ce soit la Bible, que ce soit d'autres livres, plus la personne peut avoir de la difficulté à supporter à un moment donné les choses qui n'ont pas été dites par le Christ. Ce que le Christ n'a pas dit, de la façon dont moi je vais aborder la conférence ce soir, ça... Évidemment, on pourrait parler de tout ce que le Christ n'a pas dit. Alors, le Christ n'a pas parlé des navettes spatiales, le Christ n'a pas parlé des Sputnik. Mais moi, je veux parler de ce que le Christ a pensé et de ce qu'il n'a pas dit. Donc, cela demande évidemment, enfin, ça amène à poser plusieurs questions. Comment un être humain peut-il prétendre vouloir parler de ce que le Christ a pensé et qu'il n'a pas dit? Est-ce que le Christ avait la possibilité d'avoir accès à un savoir qui pourrait maintenant être disponible pour certains humains ou pour l'humanité? C'est une question qui se répond par l'affirmatif. Est-ce que le Nazaréen ou le Christ, dans certains langages, le Christ, évidemment, fait référence à l'énergie christique, ce que moi j'appelle l'intelligence instantanée ou l'énergie supramentale, et ce que la théologie appelle de temps en temps l'esprit, ou l'esprit saint, l'esprit pur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nazaréen, donc le Christ, a vécu une vie sur laquelle on a élaboré un peu la semaine dernière au niveau de ses enseignements. Le Nazaréen a rencontré l'un de ses frères spiritiques, c'est-à-dire Jean le Baptiste, dans un fleuve qui est relativement bien connu aujourd'hui. Ils se sont engueulés, ils se sont battus. Le Nazaréen, évidemment, a réussi à faire comprendre à l'orgueilleux Jean que le rôle de Christ n'était pas laissé à Jean, mais était laissé à Joshua, à Jésus. Jean le Baptiste le savait déjà d'ailleurs, il avait essayé quand même de former sa propre... Il avait essayé de passer par-dessus, même si son ego restait manipulé par l'intelligence supramentale, donc par l'esprit, ce qui l'obligeait à ajuster sa parole par le biais d'un ajusteur de pensée, ce qui faisait que lorsque Jean allait brailler dans le désert ou allait donner, disons, des bêtises à tout le monde, dans ces bêtises, il ne pouvait faire autrement que d'être ajusté par un ajusteur de pensée, un ajusteur Melchisédien, un ajusteur de pensée, qui l'obligeait à dire de l'intelligence malgré le grand vomissage d'orgueil à travers ce qu'il avait à dire. Lorsque le Nazaréen a été reconnu par le Baptiste comme étant le Nazaréen, évidemment, le Baptiste avait préparé astralement, c'est-à-dire que en parlant de tout ce qu'il avait à dire, le Baptiste avait fait ce que souvent je fais et ce que d'autres conférenciers ont fait et font, c'est qu'il avait instruit le monde de la mort, il avait donc instruit l'astral. Qu'est-ce qui peut s'opposer le plus à l'apparition d'une intelligence sur la planète? Ben, c'est évidemment la mémoire de cette intelligence. Il y a l'intelligence pure qui ne peut pas être mémorisable, donc qui ne peut pas s'apprendre, une intelligence qui ne permet pas à l'humain de réfléchir, parce que la réflexion ou la pensée est le fait de vaguer, de fouiller dans des mémoires pour arriver à avoir un résultat apparemment logique, la pensée. L'intelligence instantanée ne permet à l'homme qui est en contact avec l'esprit, donc avec l'intelligence, que de savoir ce qu'il doit savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Autrement, il ne sait rien, il ne pense pas, il n'a pas d'émotion, il n'a pas rien d'autre que son existentialité, c'est-à-dire le fait qu'il est là, il est. Maintenant, le pire ennemi de l'instantanéité est évidemment la mémoire. La mémoire, dans le monde de notre planète, dans le monde évolutionnaire de nos humanités, on a le monde le monde matériel, le monde de la Terre, qui va être révélé par l'énergie intra-atomique, l'énergie vitale, qui va pouvoir, à un moment donné, supporter une énergie un peu plus haute, qui va porter le nom théologique d'âme, qui peut s'appeler, disons, cartésianement parlant, la psychologie. C'est dans ce monde que va s'identifier l'ego, et c'est dans ce monde que va être accumulé les mémoires expérientielles, l'expérience de l'homme. Et c'est cette expérience et cet ego qui va lutter contre l'instantanéité, la refusant, Parce que l'instantanéité n'étant pas mémorielle, étant donné que l'ego naît de la mémoire, il ne peut reconnaître l'instantanéité que si cette instantanéité a été tuée, mémorisée, pour après ça être amené au niveau de la parole, mais dans cet état de choses, il reste coloré par toute l'expérience mémorielle de l'homme, ce qui fait qu'on a beaucoup d'humains qui un jour ont eu une illumination, un contact avec l'intelligence instantanée, et ils n'ont pas su supporter le contact, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été émotivement contents d'avoir ce contact, qu'ils ont tué le contact pour le faire leur. Et étant donné que le contact était maintenant eux-mêmes, ce n'était plus un contact pur, c'était un contact mémorisé. Autour de ce monde planétaire dans lequel va germer l'humain à un moment donné, il y a le ciel. Le ciel a été créé théologiquement par Dieu en même temps que la Terre, et effectivement, le ciel fait partie de l'évolution, de l'expérience évolutive de notre planète. Cela veut dire que dans ce ciel vont se retrouver les âmes une fois le corps physique désagrégé, mort. Dans ce ciel, il y a la mémoire de tout ce qui va être dit et par l'aberrance astrale, ce ciel peut porter le nom d'astral, l'expérience et la mémoire planétaire dans lequel vont naître les désirs et l'identification. Et dans ce ciel, on va retrouver tout ce qui va être amené par l'intelligence comme tout ce qui va être réfléchi de l'intelligence par la matière, ce que j'appelle le monde astral. Tout ce qui est réfléchi a donc perdu en temps sa vitesse, devient donc mémoriel. Cela veut dire que lorsque le Nazaréen mort arrive sur la planète, lorsqu'à un moment donné, l'esprit christique le dépossède l'ego de Jéhoshua, le refoule, pour prendre possession de son corps de façon à devenir un humain espritisé, ce qu'on connaît sous le nom du Nazaréen ou du Christ. Lorsque cela se passe, évidemment, le Nazaréen amène du neuf sur la planète. Qu'est-ce qui va lutter contre l'intelligence instantanée, contre le neuf? Bien évidemment, c'est la mémoire morte, c'est-à-dire la tradition. Et si on connaît un peu l'histoire du Nazaréen, on peut se rendre compte qu'effectivement, tout au long de sa vie, il a eu à lutter contre les pharisiens, les sadducéens, contre les écrits. Mais le Nazaréen était évidemment intelligent, donc suffisamment ajusté pour se servir des traditions à son avantage. Comme ça, la mémoire serait, elle pourrait jouer des mauvais tours, elle pourrait finalement empêcher l'esprit de s'ouvrir à l'instant, au savoir instantané. C'est que l'esprit peut descendre sur la Terre jusqu'à un certain point et par la suite, il ne peut pas pénétrer plus loin. En réalité, il pénètre, mais il n'est plus de l'esprit, il devient de la mort. L'humain a accès à cet archétype, l'humain a accès à cette information qui n'est plus réelle, qui a été réelle, et il peut l'écrire, comme le bonhomme à un moment donné qui a écrit la cosmogonie d'Urantia, comme ceux qui ont écrit les livres de Bélé, comme ceux qui ont écrit évidemment les livres sacrés comme le Coran, le Talmud, la Bhagavad Gita, la Bible et d'autres. Ce qui va arriver, c'est que si l'esprit rebondit, c'est donc du ressort de l'homme d'arriver à grimper son corps, d'arriver à accumuler suffisamment d'énergie terrestre, d'énergie donc planétaire, des énergies qui évidemment proviennent de l'extraterrestrialité, étymologiquement, théologiquement, on va parler de Dieu, mais si on veut parler d'un phénomène moins émotivement coloré, on va parler d'intelligence. C'est peut-être plus logique et plus précis. L'intelligence qui pénètre, disons l'intelligence pure, ne peut pas pénétrer le monde de la mort, sauf si un canal bâti par l'homme, un canal créé par l'énergie vitale, peut partir d'un corps humain vivant, traverser le monde de la mort et aller s'ouvrir au-delà du monde de la mort, dans les cieux. Et là, l'esprit, donc l'énergie supramentale, pourra traverser et venir animer la conscience terrestre d'un homme qui maintenant va vivre d'une bilocation, un être humain qui, comme le Nazaréen, vivait autant dans les cieux que dans le monde de la Terre, donc autant dans les cieux que dans le ciel. Ce qui n'est pas l'apanage de l'humanité, mais qui va le devenir de toute façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'esprit descend dans l'être humain, l'ego de l'homme, qui est donc l'agglomérat mémoriel suprême dans lequel naît l'identification, lorsque l'homme dit « je suis », c'est parce qu'il a suffisamment accumulé de mémoire pour se retrouver chez lui, et l'expérience, les mémoires volatiles, l'expérience qui va remplir l'âme, sont l'expérience qui va pouvoir servir à l'homme dans son cheminement évolutif pour arriver à créer un plan énergétique qui va lui permettre d'écraser l'ego. Écrasant l'ego, ce que j'appelle l'anégoïsation, écrasant l'ego finit par perdre en vibration, elle devient de l'énergie vitale, plus basse que l'énergie de l'âme, étant de l'énergie vitale qui maintenant emplit le corps de l'homme, le premier processus de l'anégoïsation va être évidemment le rajeunissement du corps biologique de celui qui sera porteur de l'anégoïsation, le deuxième processus va être celui de la restauration de la santé dans le même corps, troisième processus va être celui de la guérison à l'extérieur parce qu'il n'aura pas le choix, l'ego ainsi que l'âme devenant de l'énergie vitale, il y en a trop chez l'homme et ça rayonne. rayonnant, évidemment, l'être humain qui vit cela va altérer la conscience psychologique de ceux qui vont le suivre. C'est ce que le Nazaréen a fait, ça va de soi. Et veut, veut pas, il sera capable de restructurer certaines molécules biologiques. Donc, il guérira, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Maintenant, la quatrième forme d'expression, c'est que le surplus de l'ego, lorsqu'il parfait son involution, son anégoïsation, va être la germination du canal d'énergie vitale. L'ego devient de l'énergie vitale qui pourra transcender le monde de la mort, arriver dans les cieux, et là, l'esprit traverse. Le Nazaréen, à l'âge de 12 ans, est un enfant comme tout le monde qui a une génétique biologique hautement plus avancée parce qu'il a été conçu par une mère qui avait une lignée génétique superbe et par l'esprit, c'est-à-dire par de l'énergie vitale qui n'était pas colorée par aucun homme. Donc, le Nazaréen a eu une conception biologique, on va appeler miraculeuse, lorsqu'on ne comprend pas, disons, les principes même des choses, mais c'est une fécondation qui arrive dans plus qu'un cas. C'est arrivé assez souvent. Même chez des personnes qui n'étaient pas vierges. Souvent, on pense que c'est le mari qui, mais ce n'est pas nécessairement le mari qui. Bon. Maintenant, ce qu'il faut aussi, juste pour poursuivre l'idée, c'est que lorsque l'ego du Nazaréen était écrasé, elle n'est pas devenue de l'énergie, un canal pour aller chercher l'énergie supramentale. Le corps biologique du Nazaréen, donc de l'enfant, était suffisamment énergisé pour pouvoir faire cette chose, mais il devait absolument écraser l'ego de l'enfant Jésus à l'intérieur pour que celui-ci ne vienne pas têter l'énergie vitale de la structure même du corps du Christ. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Nazaréen, à cette époque, commence à se promener. Vers l'âge de 12 ans, il découvre qu'effectivement, il y a un canal qui est en construction. Vers l'âge de 21 ans, il va découvrir que ce canal mène au-delà du ciel, donc au-delà du monde de la mort. À partir de cette époque, il va commencer à parler des cieux et à cesser de parler du ciel. Et vers 30, 31, 32 ans, il va parvenir à fusionner totalement la partie terrestrifiée de la partie spiritisée, le double éthérique, qui est dans le monde, donc dans les cieux. Et lorsque la fusion se fait, il doit maintenant regagner le monde, les cieux, donc quitter le monde de notre planète. Et pour ce faire, il doit se débarrasser du petit ego qui reste. Le petit ego qui reste, celui qui a pu expérimenter toute la vie du Nazaréen à l'intérieur de lui. Donc, l'observateur le plus proche du Nazaréen était la partie égoïque qui avait été mise de côté pour permettre au corps de cette partie égoïque de servir de véhicule à l'expression intelligente du Nazaréen. Les apôtres étaient des réceptacles de certains faisceaux de l'esprit. Et il y avait 12 apôtres principaux. Il y avait en réalité 13 apôtres, mais il y en a un de ces apôtres qui n'était pas reconnu comme étant un apôtre. Et ça a été Lazare. Il y avait 14 faisceaux d'énergie, celle du Christ, qui présentement n'est plus à l'échelle de notre planète. Maintenant, le terme christique désigne tout ce qui est espritique. Alors, il y avait un Christ de ce genre, dont de cette coloration au niveau énergétique. Et il y avait 13 autres faisceaux d'énergie, dont Lazare en est un. Il reste donc 12 faisceaux d'énergie libres à l'échelle de notre planète. Et c'est pourquoi, dans les temps qui viennent, il y aura des personnes au Québec et quelque part sur la planète, mais surtout au Québec, qui vont commencer à se reconnecter avec ses faisceaux pour pouvoir devenir ce que l'humain appelle le Christ. On parle de retour du Christ. Ce n'est pas le retour du Nazaréen. Comment pouvons-nous parler de ce que le Christ a pensé si le Christ ne l'a pas dit? Deux choses l'une. Ou bien on peut être en relation avec la mémoire astrale, la mémoire laissée dans le monde de la mort par ce que le Christ a pensé, étant donné que la pensée, même si c'est presque pas mémorisable dans le monde de la mort, la parole l'est, la gestuelle l'est, mais la pensée presque pas, on peut prétendre qu'on peut parler de ce que le Nazaréen a pensé de cette façon, en fouillant dans les mémoires. Il y a autre chose aussi, c'est que télépathiquement, certains individus qui étaient dans une vibration suffisante, comme celle de Lazare par exemple, pouvaient entrer en contact avec cette partie de la pensée du Nazaréen qui n'était pas exprimée. Maintenant, comment pouvons-nous dire que le Nazaréen avait une pensée si l'intelligence instantanée exclut tout phénomène de pensée? C'est une question que je devrais poser. Je t'en prie. Le Nazaréen ne pensait pas. Il ne préparait pas ses discours, il ne préparait pas ses explications, il ne préparait pas non plus les mots qu'il allait dire pour se défendre ou pour manipuler, convertir les autres. Il ne préparait pas. Je me souviens qu'il a dit « Ne cherchez pas ce que vous allez dire, ça vous vient. » Non, c'est bon, évident. Bon, tu cherches ce que tu vas dire, tu vas trouver ce que tu aurais dit. Mais pas ce que tu vas dire. Tu vas dans tes mémoires. Le Nazaréen, donc comment pouvons-nous, encore une fois, prétendre parler de ce qu'il a pensé? La partie égoïque cachée au fin fond du Nazaréen, la partie de l'enfant qui, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, les conférences, j'en ai parlé, je fais un petit résumé bref. Lorsque le corps physique est conçu dans le ventre de la mère, il attire à lui des processus du monde de la mort qui vont être des processus de création d'un âme, processus réincarnationnel, disons fusionnel normalement, pluralitaire. Mais disons, on laisse passer ce phénomène. Lorsque cela entre dans le fœtus, la mère nourrit l'embryon émotivement par son système hormonal, étant donné que la mère vit des émotions, que l'émotion psychologique est induite dans le corps par le système hormonal, donc la mère transpirera, elle aura des accélérations cardiaques, elle aura une midriase, une myosis, elle aura plusieurs phénomènes biologiques. Adrénaline notamment. Exactement, qui vont l'avertir qu'elle vit de l'émotion, émotion négative ou positive. Elle sécrète des hormones. Le sang nourrissant le fœtus amène les hormones au fœtus, induisant dans le fœtus l'expérience émotive que la mère vit déjà, même si l'âme du fœtus n'est pas suffisamment évoluée pour avoir de l'émotion propre, il sera quand même induit déjà par l'émotion de la mère. Ce phénomène crée lentement un égo. Lorsque l'enfant vient au monde, cet égo est quand même relativement relié à la mère. Évidemment, la mère et l'enfant sont un. Pourquoi? Parce que l'âme a été conçue à partir de la transmission mémorielle hormonale de l'émotion de la mère, donc de tout ce qui est astral au niveau de la mère, de tout ce qui est amique. Alors, nécessairement, l'enfant est comme la mère. L'enfant s'identifie à un moment donné lorsque le corps a éliminé les hormones léguées par la mère et lorsque l'enfant commence à sécréter lui-même son propre processus sanguin hormonal endocrinien et exocrinien. Lorsque l'enfant s'identifie, il va dire « je ». Ça, ça crée l'ego. Vers 6, 7, 8 ans, cet ego chez le Nazaréen se voit écrasé par une puissance espritique, donc l'intelligence supramentale, l'intelligence christique, qui descend chez lui, et étant donné que la génétique de l'enfant est une génétique propre, donc suffisamment évoluée pour supporter un contact avec l'intelligence instantanée, il n'y a presque pas d'émotion exprimée par le corps de l'enfant. Donc, il n'y a presque pas de message de mémoire hormonale dans le corps d'un enfant, ce qui empêche l'ego de s'auto-énergiser pour finalement grossir. L'esprit peut donc facilement le mettre de côté, mais ne le détruit pas. Cet ego va donc devenir l'observateur en première loge de toute la vie du Nazaréen. Cet ego va suivre le processus de mortalité. C'est d'ailleurs pourquoi le Nazaréen meurt sur la croix, pour permettre à l'ego de reprendre la place dans le corps physique. Lorsque l'ego a repris la place dans le corps physique, le Nazaréen, le Christ, a laissé le corps. Alors, par la bouche du corps, on entend dire « Père, pourquoi m'abandonnes-tu? » C'est l'ego ici qui crie et non pas le Christ qui parle de son Père. Parce qu'avant de se faire crucifier, le Nazaréen, lorsqu'on lui demande qui il est, il ne dit pas « Je suis le Fils de Dieu », il dit « Je suis ». Parce qu'effectivement, il est. Il n'est plus le Fils. Il se prenait pour le Fils lorsqu'il était encore manipulé, assujetti à l'ego de l'enfant. Donc, lorsque l'adulte, lorsque le corps même meurt sur la croix, c'est lui qui parle, c'est cet ego qui revient. Qui a en mémoire et en expérience... Oh, c'est très intéressant, ça. Effectivement. Comme vous parlez de pourquoi m'as-tu abandonné, là, il a fait référence à ses réserves mémoriales. Il a retourné un vieux psaume, psaume 22, n'est-ce pas, qui finit bien. Hein, puis c'est ça qu'il veut dire. Ça commence mal, mais ça finit bien. Ma question, c'est la suivante. C'est que, est-ce que, bon, avec toute l'amitié qu'on a pour le savoir instantané, on a 30 milliards de contacts, on a 30 milliards de neurones, 100 000 milliards de contacts synaptiques possibles. Quelle est la part d'ouverture vers le savoir instantané? Puis quelle est la part d'ouverture vers le mémoriel que Jésus privilégiait ou qu'il va favoriser, par exemple? Bon, premièrement, l'être humain a trop de neurones pour rien. L'être humain a trop de contacts synaptiques pour rien. C'est-à-dire que l'être humain en a tellement que lorsqu'il se met à réfléchir, c'est extrêmement intéressant qu'il les ait pour l'instant parce que son cerveau est en mémoriel. Bon, tu parles de synapses, etc. Le Nazaréen avait un cerveau, évidemment, pas conventionnel à l'époque, mais que beaucoup de gens ici ont. Mais à l'époque, le cerveau était plus évolué qu'aujourd'hui. Le Nazaréen avait un corps et un cerveau que beaucoup d'entre vous ici avaient. C'est-à-dire que vous avez un support énergétique suffisant pour pouvoir supporter un contact avec l'énergie supramentale. Sauf que, par contre, le corps du Nazaréen n'avait presque pas de mémoire. Il est comme contesté par la mémoire, c'est ça? Ici, oui. Étant donné que la majorité des humains ont énormément d'expériences mémorielles et extrêmement, on a un ciel hyper immense maintenant qui manipule l'humain suffisamment. C'est-à-dire qu'au cours des temps, certains ont pris de la puissance. Savoir collectif, etc. Exactement. Donc, l'humain, même s'il a un corps aussi puissant que le corps du Christ à l'époque, n'a pas, il a un tampon immense qui va être le tampon astral, donc la mémoire, l'ego, que le corps du Nazaréen n'avait pas à l'époque. Au fond, les gens qui fonctionnent comme ça, ils n'ont pas confiance à l'autre, puis au fond, ils ne l'aiment pas, l'autre. S'ils ne sont pas sûrs de son Aimer veut dire attirer. Alors, effectivement, ils ne l'aiment pas, ils ne peuvent pas l'attirer. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment trop. Ils ne le connaissent pas. Ils ne peuvent pas le connaître parce que pour le connaître, ils doivent l'expérimenter. L'expérimentant, ils le tuent. Le tuant, ce qu'ils expérimentent n'est pas ce que c'était dans la réalité. Ah, c'était peut-être ce que Saint-Jean voulait dire quand il disait que connaître, ça voulait dire aimer. OK. Saint-Jean. Oui. Ben, en tout cas, l'interprète de. Jean. La mémoire de. Oui, Saint-Jean. Oui, d'accord. OK. Les titres, c'est pour se sécuriser. Vous avez parfaitement raison, cher ami. J'en ai tellement envie de titres. Bon, alors, ma question, c'est la suivante. Oui. La question, c'est la suivante. Comment se fait-il qu'à un moment donné, il disait à vous autres, je vous explique ça en particulier, puis qu'à d'autres, il ne l'expliquait pas. Est-ce que c'était à cause de la fermeture d'intelligence ou de cœur? Ou est-ce que c'était qu'il y avait quelque chose qu'il n'a pas dit qu'on peut savoir ce soir? Il y a beaucoup de choses, justement, qu'il n'a pas dit et qu'on peut savoir. On va y arriver. Ce petit égo qui apparaît lorsque le Christ se fait crucifier, donc lorsque le Christ meurt, ce petit égo meurt. Il pénètre le monde de la mort, mais pénétrant le monde de la mort, il rejoint le Christ qui est déjà dans ce monde de la mort en train de récupérer toutes les parcelles du même esprit que lui, des humains qui ont vécu. C'est pourquoi on va dire qu'il a supporté une partie du poids ou le poids des péchés de l'humanité. L'humanité qui faisait référence à son propre esprit et à lui, les apôtres font partie d'une autre forme d'humanité. On appelle péché manque de connaissance ou manque d'amour, c'est ça. C'est le karma, c'est-à-dire ce sont les mémoires qui doivent être absorbées. Manque de confiance à l'autre. Etc, etc. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet égo placé dans le monde de la mort va être repoussé du monde de la mort, placé dans le plan moronciel, c'est-à-dire dans un monde qui est le monde de la vie sans corps physique, un monde qui est connu de plus en plus par les humains d'aujourd'hui. D'ailleurs, lors du congrès d'études sur la vie après la mort, on va parler énormément de ce plan moronciel. L'endroit où l'être humain passe après la mort du corps physique, mais avant de pénétrer le monde de la mort, le ciel, là où il sera dilapidé, digéré, comme le dit l'Église, là où il rejoindra à jamais ceux qu'il a connus. Bon, mais il se fusionne à eux et il perd même son identité. Donc, il meurt réellement. Il y a ce plan moronciel dans lequel va être placé l'ego du Nazaréen pendant quelques secondes. Et lorsque celui-ci va se réincarner sur le plan de notre planète, et lorsque donc celui-ci réincarne, on est 1980 quelques années après la disparition du Nazaréen sur la croix. Le temps dans le plan moronciel n'est pas le temps dans le monde de la mort, ce qui fait que, n'est pas le temps dans le monde de la matière, ce qui fait que c'est une transition très, très bénigne, qui fait qu'à un moment donné, un corps physique génétiquement supportable, suffisamment puissant pour supporter l'ego du Nazaréen, l'ego du Christ, c'est-à-dire l'ego de l'enfant nazaréen, non pas l'ego de Jésus le Christ tel qu'on l'a connu par la suite. Donc, un corps physique aujourd'hui suffisamment capable de supporter la partie cachée dans le Nazaréen va naître. Et naissant, ben alors évidemment, il va attirer à lui cette partie de l'ego, qui devra, au cours de son enfance, évidemment, apprendre à fusionner un peu les parties réincarnationnelles, disons, de sa lignée familiale qui va naître en même temps que l'ego du Nazaréen. Et par la suite, ce personnage, donc, qui aura l'expérience d'un savoir instantané, pourra induire son ego suffisamment à s'instruire lui-même en tant qu'être humain égoïque pour savoir, lui saura, que tout ce que le Nazaréen a fait, c'est faisable. Parce qu'il saura même comment le refaire ou le recréer, parce qu'il l'aura vu faire dans la loge la plus proche, dans le corps du Nazaréen. Ce personnage, une fois réincarné, peut parler de ce que le Nazaréen a pensé, mais n'a pas nécessairement dit. Et évidemment, lui-même, par l'expérience, va entrer en contact directement avec le plan supramental, ce qui va lui permettre de parler de ce que le Nazaréen n'a pas dit, et ce qui va aussi lui permettre de parler de choses qui ne pouvaient pas être dites du Nazaréen, parce que lui-même ne le savait pas, parce que ce n'était pas utile qu'il le sache à l'époque, qui maintenant est utile d'être divulgué aujourd'hui. Alors moi, je peux en parler comment? Premièrement, ou bien je fouille dans la mémoire astrale laissée par ce bonhomme réincarné. Lorsqu'il a parlé, cela a été mémorisé, je fouille à la même place et je répète ce qu'il a dit. Ou bien, je suis ce bonhomme. Bon, c'est les deux probabilités pour parler de ce que le Nazaréen n'a pas dit. Suivre comme suivre ou suivre comme être? L'un ou l'autre. Je laisse les hauts gens le soin de déterminer. Donc, qu'est-ce que le Nazaréen n'a pas dit qu'il a pensé à l'époque? Quand je dis la pensée, c'est l'ego de celui qui est réincarné qui pense. Et ce n'est pas l'intelligence du Nazaréen qui parle. À un moment donné, il y a un bonhomme qui vient le rencontrer et qui lui demande « Vous parlez d'amour. Le Nazarien répond oui et l'ego pense oui. Alors, on va laisser faire le Nazarien. On va parler de l'ego, donc ce qu'il n'a pas dit. Et ce qui aurait pu être dit, qui révèle peut-être l'essence pure du jeu joué par le Nazaréen à l'époque de son passage. Lorsque le bonhomme lui dit « Oui, mais vous dites qu'on doit... » Enfin, vous, parce qu'on vous voyait à l'époque, « Maître, tu dis qu'on doit aimer nos ennemis. » Le Nazaréen n'a pas dit, mais passe. « Oui, on doit aimer nos ennemis. » Parce qu'on n'a pas le choix d'aimer nos ennemis. Alors l'autre, il demande... Si on peut aimer nos ennemis, même s'ils tuent nos familles, est-ce que cela veut dire que le fait de tuer nos familles n'est pas plus important que d'aimer nos ennemis? Or, le Nazaréen pourrait répondre, effectivement. Alors, on peut demander, est-ce que le Nazaréen, donc toi, maître, est-ce que tu aimes l'homme? Oui. Est-ce que tu aimes l'individu? Pas l'humanité, l'individu. Oui. Alors, comment peux-tu ne pas souffrir de voir un individu mourir? Parce que ça n'a aucune importance au niveau cosmique. Pour arriver à comprendre la mécanicité d'aimer nos ennemis, il faut quasiment qu'on se foute carrément de ceux qu'ils tuent. Oui. Donc, ceux qu'ils tuent n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. C'est un fait. S'ils n'ont aucune importance aux yeux de Dieu, pourquoi ceux qui restent vivants et qui tuent en auraient plus? Parce qu'ils sont vivants. Alors la question qu'on peut demander aux Nazaréens, c'est si celui qui est vivant a plus d'importance que celui qui est mort, pourquoi prêchons-nous d'aimer autant les morts que les vivants? Le Nazaréen va répondre, j'ai déjà dit, de laisser les morts s'enterrer eux-mêmes. Que tu aimes la vie. La vie, ce n'est pas juste l'expression animée d'un corps. La vie, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est la transformation, c'est l'alchimisation, c'est l'évolution, c'est l'amélioration, c'est l'espritisation, c'est la vie. Aimer ton ennemi veut dire être capable d'entrer en résonance avec la vie. Aimer quelqu'un qui reste avec toi, c'est d'être capable d'entrer en résonance avec la vie. Entrer en résonance avec la vie veut dire entrer en résonance avec l'instantanéité. Ce n'est pas du domaine de la mort. La personne, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'est pas là. Et si on demande au Nazaréen comment lui arriver à aimer tout le monde, ben c'était bien simple, il n'aimait pas tout le monde, à la fois. Mais n'haïssant pas non plus, à la fois. Il était dans un terrain neutre, qui est de l'amour intelligent, un amour qui n'a pas besoin d'être exprimé, parce que de toute façon, il est là. Mais le Nazaréen pouvait, et ça n'a pas été dit, parce que l'humain de l'époque ne pouvait pas saisir ses principes, tu ne peux aimer que ce qui est présent à ta perception sensorielle ou à ta perception de conscience. C'est-à-dire que tu peux aimer le bocal ici, mais tu ne peux pas aimer le verre que tu as vu hier ou le verre qui présentement existe sur une table quelque part dans un hôtel. Pourquoi? Parce que tu ne le perçois pas. Mais on sait que tout est présent depuis Einstein, qu'à la vitesse x de la lumière, le temps se contracte, qu'à la vitesse infinie, le temps ralentit, que tout... que notre notion du temps, l'absence, c'est très relatif. Ça, oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'au niveau de ta perception de conscience, tu ne peux pas faire autrement consciemment que d'aimer que ce que tu perçois consciemment. Peut-être qu'il faudrait développer les sens internes. Les sens internes, ils sont là, ils sont prêts à bondir. La seule chose qu'il y a, c'est que tant que l'humain ne voudra pas les écouter, ces sens ne servent pas. Garde tes yeux fermés pendant 15 ans, tu risques d'être aveugle quand tu ouvriras les yeux. Bon, alors les sens qui ne servent pas sont là, prêts à bondir, ils restent chez l'homme, énergisés par l'intelligence supramentale ou par l'esprit. Tu risques d'être aveugle ou de douter de ce que tu vois. Ben, c'est le même phénomène. Le cerveau sera aveugle même si tes yeux voient. Bien. D'accord? Bon. Et si ce n'est pas le cerveau qui va être aveugle, ça va être l'âme qui va être aveugle. Il va refuser le contact avec le cerveau, qui lui a le contact avec les yeux, qui lui a le contact photonique avec les choses. Vous voulez dire qu'il y en a un qui est le couloir de l'autre? C'est un paquet de cheminements qui mène jusqu'à une conscience énergétique, l'âme, mentale ou supramentale. Et quand on parle de conscience supramentale, on parle d'une conscience qui s'est reposée sur le mental, écrasant l'âme, donc l'ego. Mais en fait, vous êtes en train de dire que faut pas tellement chercher à savoir ce qu'on sait pas, mais non. Faut s'attendre. Je vais juste te demander d'ajuster ta parole un peu. L'être humain a un ajusteur de pensée. Tu as un ajusteur de pensée. Le seul problème qu'il y a, c'est que tu as aussi un ajusteur psychologique. Les mémoires. Non. Tu as l'intellect qui est l'ajusteur psychologique qui, lui, va ajuster ta perception supramentale ou mentale pour fitter avec tes mémoires, pour ne pas trop altérer l'ego ou pour ne pas trop jouer dans la tradition mémorielle de ton âme. Tu as aussi un ajusteur de pensée qui t'oblige, comme d'ailleurs Jean le Baptiste en avait un, comme plusieurs personnes en ont, comme les apôtres en ont eu à un moment donné, lorsque le Nazaréen leur a dit « Allez, allez, allez, vous parlerez, vous saurez quoi dire en temps et lieu, faites-vous-en pas. » Bon, quand vous chicanez, vous allez vous engueuler, mais quand ça va être le temps de parler d'intelligence, vous allez être plugué. Faites-vous-en pas. Bon. Toi, tu parles, tu poses une question. Est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est pas tellement... Alors, je vais juste te corriger un petit peu pour que tu goûtes. Ça, c'est intéressant. Je vais juste t'avertir. Oui, je fais confiance à notre savoir instantané. Oui. Maintenant, il faut connaître l'ajusteur de pensée qui va te forcer à laisser s'exprimer l'intelligence plutôt que de laisser s'exprimer une coloration d'intelligence et de mémoire. Ce qu'on appelle la norme. Là. Ça va être la norme. C'est ça. L'ajusteur de pensée va te forcer à laisser faire la norme, à piler à pieds joints sur la norme pour être ce que tu devrais être. Alors, tu vas poser des questions. Là, j'ai coupé ta question, évidemment. Il y a des chances que tu ne t'en rappelles plus. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Bon, prends que tu es mémoriel. Repose-la. Au fond, plus que ce qu'on sait nous est comme donné ou comme le fait d'un... Ajustons, nous est comme donné. Est-ce que c'est donné ou comme c'est donné? C'est un anthropomorphisme. Nous est comme, c'est parce que je ne connais pas en mécanique. C'est des vieux je mots. Je m'en fous. Selon toi, est-ce que ça nous est donné ou comme donné? Mettons que c'est un bien... Mettons. Vous voyez, j'ai des mots comme, on employait le mot grave. Oui, mais ça, c'est parfait, continuons. Pose ta question. Mettons qu'il n'y a pas de condition. Pose-la ta question directement. Bon, c'est gratuit. Personne ne t'écoute, vas-y. Bon. Si c'est quelque chose qui vient, on ne sait trop quand, comment, pourquoi, quelle raison, qui se présente sans condition. Attention, tu formules une question à partir d'une structuration mémorielle. La question est intelligente. La manière dont les prononcer, elle est mémorielle. Arrive directement au but, pose la question. Si on ne sait pas quand ça va arriver, ça veut dire que c'est pas tellement important de savoir ce qui a été dit. C'est pas tellement important ou si c'est important? Mettons que c'est relativement important puisque ça va se présenter au moment qu'il faut. Relativement veut dire quoi? On s'en va dans un restaurant tous les deux et puis on décide... Est-ce qu'il peut faire relativement beau? Est-ce qu'il peut faire pas tellement mauvais? Absolument. Oui, effectivement. Sauf que c'est tout à fait faux, mais on peut le dire, on peut le supporter. Ouais. L'intelligence instantanée peut possiblement nous amener à... Quand tu dis ça, tu vibres quoi? Peut nous amener à... Mettons que c'est une solution pour rendre le rapport agréable. Mettons, parle. Cesse de t'excuser de parler. C'est important que tout le monde conscientise ce que l'on fait, parce que l'humain est constamment manipulé par les forces d'évolution, par les forces atoniques, de différentes formes de révélation d'expression, et par sa mémoire, où il passe son temps à tempérer tout ce que l'intelligence veut lui amener. Ce que vous appelez sa table, j'ai réglé ça, cette question-là. Je croirais plutôt que... Non, je mets des mots pour les gens. Oui, c'est bon, ça. Pose ta question. Moi, la résistance vient de la mémoire. C'est vrai que j'hésite à faire confiance au savoir instantané. Parce que je dis, mettons, je devrais dire mon oui, puis mon non c'est et non. Qu'est-ce que je veux que tu fasses? L'ajusteur va te forcer à le faire. Vas-y. Mais il n'est pas exclu que ces hésitations soient comme provoquées par le hasard pour qu'ils soient mieux exprimés dans une relation. On s'en fout. Vas-y, pose ta question. Bon. il fallait le dire. Hein. Il fallait en arriver là. Alors, est-ce qu'il est vraiment utile de chercher dans ses mémoires? Il fallait le dire, il faut en arriver là. Pourquoi tu dis ça? Pour la simple raison que tu viens de te rendre compte, peut-être même inconsciemment, mais l'ajusteur te force à parler, c'est pourquoi la parole est d'or, le silence est d'argent. Ouais. Tu viens de dire cela, oui, mais il fallait quand même le dire. En réalité, tu dis cela pour confirmer qu'il fallait que tu te le dises pour te l'apprendre. Alors, je la présente... Ce n'est pas pour les gens. Mais je ne la présentais pas comme condition. Non, mais c'est ce que tu mais disais. C'est heureux que ça arrive. C'est ça que je dis. Il est heureux oui, que ça arrive. Oui, je m'en fous que c'est heureux que ça arrive. Et pourquoi l'as-tu dit que c'était bien de l'avoir dit? C'était parce que justement, ton ego vient d'apprendre qu'effectivement... C'est ça. Voilà. Exactement. Tu ne disais pas pour les autres. C'est ce que j'apprends quelque chose. Et ça, c'est l'ajusteur qui te force à parler pour pouvoir te faire dire. Alors, quel est le rôle de l'ajusteur? Non, pose la question tout à l'heure. Bon. Alors, si le savoir instantané, c'est quelque chose qui n'est pas dans la mémoire, on n'a pas à chercher ce que le savoir instantané va nous apporter. On a à savoir que le savoir instantané existe. Point. C'est la seule chose que l'être humain devrait connaître. Alors, comment on fait pour s'ajuster à ce savoir instantané-là? Comment on fait pour vivre avec sans forcer la volonté ou la liberté de l'autre? Bon, comment on fait? Tu veux une question du Nazaréen ou une question de moi? À votre choix. Une réponse. Non, de vous, de vous, de vous. Ce qui m'intéresse, c'est vous. De vous, vous, c'est pluriel, donc les deux. Parfait. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est ce qu'on appelle une réponse... instantanée. Oui, instantanée. Instantanée, mais qui est une heureuse combinaison de la logique et du savoir instantané. C'est parfait. Oui. Puis ce que tu viens de dire là est ajusté. Heureuse combinaison de la logique, le plan mental qui reçoit l'intelligence instantanée et du savoir instantané. Mais il n'y a pas d'émotion. Oui. Parce que ça ne m'empêche pas d'avoir des sentiments. Oui, il y en a une émotion. Là. Ben oui, mais je parle de moi. Ah, c'est ça. D'accord? Et le sentiment est quelque chose qui est là. Le sentiment peut faire pleurer l'humain. Le sentiment peut le faire rire. L'émotion peut le faire pleurer. L'émotion, c'est la mémoire d'un sentiment qu'on essaie de recréer dans une région spatio-temporelle où il n'y a plus rien pour faire naître le sentiment. Alors, tu vis une émotion. Ah, vous dites que l'émotion, ça serait un ajusteur. L'émotion n'est jamais instantanée. Le sentiment est toujours instantané. L'émotion, c'est de la merde. Le sentiment, c'est de la vie. Quand tu as un sentiment pour quelque chose, c'est instantané. On te montre une affaire, puis immédiatement. On pousse une farce qui est instantanée et on rit. C'est un sentiment. C'est de l'intelligence qui est en résonance vibratoire avec l'événement. Lorsqu'on émotive, ou lorsqu'on va émotiver les choses, c'est lorsque l'on va prendre un sentiment, on va refuser de le vivre, on le mémorise avant. Une fois qu'on l'a mémorisé, là, après ça, on se plaît de l'avoir entendu. Là, on vient de vivre une émotion. Le sentiment, tu ne peux pas le recréer s'il n'y a pas de stimulation. Vous voulez dire que Jésus-Christ avait des sentiments? Oui, aucune émotion. Bon, on n'a pas parlé sans théologie, ni dans... Non, mais le verbe n'existait même pas. Non, mais j'aimerais ça que vous développiez ça. Parfait. Juste deux petites secondes avant, donc retiens la question. En plus, tu aimerais ça ou tu veux? Moi, aimer puis connaître, c'est la même chose. Oui, mais je te demande, est-ce que tu aimerais ça ou si tu veux? Je veux. C'est différent. Bon, est-ce que tu aimes ça? Parfait, c'est réglé. Je pose une réponse, tu aimes ça pareil. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsqu'une personne veut revivre un sentiment, elle ne peut pas. Par contre, si elle veut revivre une émotion, elle peut fouiller, et elle va revivre l'émotion. Et le sentiment va s'exprimer instantanément, sans trace endocrinienne. Le sentiment s'exprime par le corps physique, par le biais du corps vital, c'est-à-dire par le biais de l'énergie intra-atomique, ce qu'on appelle yin-yang en acupuncture, et ominal, qui est une énergie créée par l'homme, que l'on va découvrir d'ici quelques années en acupuncture. On ne pourra pas la traiter, parce qu'elle n'est jamais malade. Mais on va quand même finir par travailler un petit peu avec. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sentiment est une résonance instantanée, vibratoire, entre un événement, une chose, donc un mouvement événementiel, un humain, quelque chose, et celui qui observe. C'est instantané. L'émotion, tu peux te dire, prendre une photo, puis revivre des choses. L'émotion induit une lutte du corps contre la succion de l'ego. Et cette lutte du corps va déclencher un système de réaction anti-choc qui va être la sécrétion d'endorphines, la sécrétion de catécholamines, la sécrétion d'une panoplie d'hormones pour pouvoir permettre au corps de résister à une succion d'énergie vitale par l'âme. Le sentiment, lui, ne laisse jamais aucune trace. Un sentiment qui apparaît chez toi instantanément, si la chose disparaît ou si on te tourne, on te parle, le sentiment disparaît, tu es vivant. Si tu es en train de vivre une émotion, n'importe quel genre d'émotion, et qu'on veut te changer, tu vas continuer à baigner dans l'émotion jusqu'à temps que, hormonalement parlant, le corps ait stocké les hormones mémorielles dans les graisses ou qu'il les ait simplement éliminées. L'émotion provient du monde de la mort. L'émotion, c'est la restructuration mémorielle d'un sentiment. Le sentiment, c'est une chose que l'homme nouveau va vivre, c'est une chose que le Nazaréen vivait, et c'est une chose que l'homme vit. Mais encore une fois, l'être humain, lorsqu'il découvre une chose neuve, il ne peut pas parler d'émotion. Par contre, il a un sentiment. La première fois que tu vois une chose, tu tombes en extase. L'extase n'est pas une émotion. Il n'y a pas de rien, aucun phénomène endocrinien de sécrété. L'émotion, il y a le billet de loterie, là, tu regardes ton chiffre, là, le cœur pompe déjà, c'est de l'émotion, pas du sentiment. Il y a une expression hormonale. Tu commences à gratter tes chiffres, bien là, tu regardes à la télévision, puis là, on te donne les chiffres à l'envers, puis ça se rapproche, là, tu suis le chemin. Bien évidemment, émotivement, tu fonctionnes. Si tu vivrais en sentiment, tu serais là, tu regarderais dans une espèce d'extase tout à fait lucide, avec absolument rien au niveau corporel. Si à un moment donné, tu ne gagnes pas, ça ne change rien, tu changes ton poste, tu vas te coucher, il ne s'est rien passé. Tu ne peux pas être déçu, tu ne peux pas haïr, tu ne peux pas aimer psychologiquement d'un amour sélectif comme l'homme le fait. Mais tu vis de l'intelligence. Dans l'intelligence, je parle de temps en temps d'amour intelligent. Le Nazaréen, enfin, ce que le Christ n'a pas dit. Le Christ n'a jamais parlé d'amour intelligent parce que l'amour ne peut pas être intelligent. Lorsque l'on parle d'intelligence, ça inclut tout ce qui est instantané. Si tu vis d'un amour instantané, tu parles d'intelligence. Si tu vis un savoir instantané, tu parles d'intelligence. L'intelligence, synonyme d'esprit, synonyme de, etc. Bon. L'amour intelligent, c'est simplement un état. Est-ce que tu peux dire que l'homme nouveau, ou il ne sait rien, vivait d'un amour intelligent, d'une plénitude, d'un être-té, d'une béatitude, de... Non. Il n'y a pas, au niveau de l'instantanéité, plusieurs plans. Il y a l'être, qui évidemment englobe tout ce que nos mots peuvent essayer de transmettre dans le monde pluralitaire de la conscience de l'homme. Je ne sais pas si tu suis. Ça va. Je vais boire de l'eau. J'en profite pour poser une question. Je comprends que le Nazaréen avait un ego, qu'il était humain. Puis il y avait aussi une espèce de... Une espèce. Cherche le mot, là. Parce que je ne veux pas emprunter à mes réserves mémorielles. Je suis obligé d'hésiter. C'est pas grave, au moins tu le sais. C'est déjà génial. Nous autres, on disait il était homme, il était Dieu, mais je ne veux pas employer ce langage-là. Ça... Il n'était pas homme, la partie égoïque était l'homme. Ouais, c'est ça. Et celle-là n'était pas Dieu. La partie divine ou christique n'était pas homme, elle était christique. Comment, et les deux étaient ensemble. Comment la partie christique vivait-elle ses sentiments? La partie christique vivait ses sentiments simplement en les exprimant comme l'humain va l'exprimer de plus en plus et comme l'humain l'exprime déjà. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une perception ondoformique, il y a une onde de forme, une vibration qui va être transportée par la lumière qui frappe un objet et qui la transmet. Le rayon cosmique, le rayonnement X, les rayons gamma, les rayons alpha, et ainsi que tout rayonnement ominal, le rayonnement vital de l'homme, frappe les objets et les ramène. C'est la personnalité des choses, comme la tienne, comme celle des humains, comme celle des objets. Et lorsqu'un être humain, le Nazaréen par exemple, lorsqu'il percevait une vibration qui arrivait à lui, il pouvait évidemment connaître le degré évolutif de l'âme, c'était évident, la personnalité l'aimait. Il pouvait connaître le degré évolutif du corps, donc savoir si la génétique est suffisamment puissante pour supporter un contact avec l'intelligence, ce qui permet au Nazaréen de pouvoir s'ajuster lorsqu'il parle et de pouvoir dire à certaines personnes telle chose et à un autre telle autre chose. Lorsqu'à un moment donné, on rencontre le Nazaréen et on lui demande, tu sais, le sermon que tu as fait à la masse là-bas, c'est pas vrai. Et le Nazaréen de répondre, ben effectivement, c'est pas vrai. Alors, pourquoi tu leur as dit? Ben parce que pour eux, c'était la seule chose qu'on pouvait dire, qui les faisait monter. Tandis que toi, qui es déjà à un niveau, tu viens me demander si c'est vrai ou faux, ben ton niveau, c'est faux. De quelle façon on perçoit? Alors, le Nazaréen vivait un sentiment de perception du corps biologique pour savoir s'il pouvait parler à un certain niveau plutôt qu'un autre. Il pouvait percevoir, évidemment, l'affection émise par les gens, mais il savait, et une chance qu'il n'avait pas d'émotion, il savait que tous les humains de l'époque, ou la majorité, ne se foutaient royalement du Nazaréen. C'est la preuve, ils l'ont crucifié en rien. Bon, ils s'en foutaient. Ce que ces humains recherchaient, c'était les miracles. C'était, et quel genre de miracle? La guérison ou la résurrection. C'est ça qu'on recherchait du Nazaréen. On n'allait pas écouter, on recherchait aussi un boostage énergétique, c'est-à-dire qu'on têtait. Alors on allait voir le Nazaréen qui disait « Heureux les pauvres en esprit! » Fait que ceux qui se faisaient traiter de pauvres en esprit depuis tout le temps, ben ils se disaient « Sacre à bleu au moins là, c'est bon. » Vu qu'il y a un paquet de pauvres écrasés par les riches, ben évidemment le riche ne pourrait pas pénétrer au ciel. Attends, les riches vont rentrer au ciel autant que les pauvres, ça n'a rien à voir. Ça dépend de l'attachement émotif à ton monde des mémoires. Ça a l'air qu'ils vont avoir de la misère. Ben, c'est à toi, les pauvres aussi. Bon. Alors, ceux qui maudissent les riches ne rentreront pas au ciel avant les riches. Ben, les recensions ça, qu'on ils sont a... autant attachés aux riches que le riche est attaché à son argent. Bon, mais les sources qu'on a, là, les quatre évangélistes... Là, qui... Oui, mais ces quatre-là, c'était les plus vendus. Oui, mais c'est une bonne vente. C'est... Effectivement, c'est une vente ajustée. Il y en a un qui parlait à un peuple particulier, donc il ajustait à ce peuple. Mathieu. L'autre parlait à un autre peuple, il ajustait à ce peuple. Et etc., etc. Sauf que ceux qui ont été, parce que c'était les plus évolués, les quatre qui ont laissé. Pierre était le plus évolué des apôtres. Judas était le plus sûr au niveau de l'animotivation, mais encore là, il n'a pas été suffisamment puissant. Le Judas devait aider le Nazaréen à finir sa crucifixion. En fait, est-ce qu'il devait trahir Judas? Judas ne devait pas trahir, évidemment. Le Christ n'a pas demandé à Judas, « Bon, mon pauvre type, tu vas me trahir. » Et tous les apôtres ne pouvaient saisir l'idée. Mais est-ce que la tendance de son émotion, de sentiment, ne le disposait pas? Elle disposait, c'était l'apôtre qui pouvait être le moins disposé par sa tendance émotive, sa tendance amique à trahir. C'est-à-dire que le Nazaréen devait se faire livrer et mourir sur la croix. Et pour cela, les Romains qui venaient ne le connaissaient pas. Et il fallait que quelqu'un dise aux Romains que c'était lui. Le Nazaréen ne pouvait pas se vendre pour la simple raison que la partie égoïque chez lui ne voulait pas mourir. Donc, il ne pouvait pas, l'ego ressortait suffisamment pour l'empêcher d'aller se dire. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il a demandé à son chum Judas, lorsque les Romains vont venir, alors présente-moi. Judas le savait, ils ne se sont pas dit oralement, mais c'était évident. Ce que ton père fait lever, toi, c'est ça. Oui, lorsque le Nazaréen dit que c'est presque le temps, alors il annonce à tout le monde que c'est lui qui va faire la job. Les autres sont tous un peu frustrés, pour la simple raison qu'il n'y a pas un seul qui veut que le Nazaréen parte, parce que l'être humain aime pour lui. Hein? Si le Nazaréen doit mourir, on s'en fout qu'il ne meure pas. Nous, on a besoin. Bon, c'est comme ça que l'humain vivait. Et c'est pourquoi il y a une chance que le Nazaréen n'avait pas d'émotion, qu'il avait des sentiments. Il fait donc comprendre l'homme tel qu'il était, plutôt que de l'émotiver à un niveau souffrant ou haineux, à un moment donné. Lorsque les Romains se présentent, Judas va là et Judas embrasse Melchisédek, un prêtre et seigneur. Alors, les Romains vont arrêter Melchisédek et c'est là que Judas trahit, c'est-à-dire qu'il manque à sa tâche. Alors, on demande à Melchisédek s'il est le Christ et c'est le Nazaréen. Là, peut dire « c'est moi ». Alors là, on prend le Christ pour l'amène. Alors, Judas, voyant qu'effectivement, ça n'a rien changé, va se pendre. Mais Judas était celui qui avait le moins de possibilités d'émotifs. Pierre était le plus faible. C'est d'ailleurs pourquoi le Nazaréen, à un moment donné, va voir Pierre et lui dit « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » La pierre, elle est en dessous. Elle n'est pas dessus. Elle est en dessous. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est-à-dire que ça va être l'église de l'homme. L'église qui va servir au cours de milliers d'années à pouvoir continuer à engendrer l'alimentation de toutes les mémoires spirituelles du passage du Nazaréen, ce qui va permettre à des milliards d'individus de pouvoir s'accrocher non plus à des forces belliqueuses ou etc. au niveau du monde de la mort, mais à s'accrocher à une religion théologique nazaréenne ou christique, catholique, qui va être placée évidemment dans le ciel, dans le monde de la mort, et la majorité de ces humains pourront, elles seront capables d'autour cours de leur vie, de faire référence à ces mémoires plutôt qu'à des références à d'autres formes de mémoire plus basses en vibration. Et lorsque ces humains vont se connecter à cet égrégore, ils vont apprendre à prier. D'ailleurs, le Nazaréen leur montre à prier, même s'il laisse une clé intéressante pour ceux qui ont des oreilles et des yeux. Et leur montrant à prier, il force les individus à créer dans l'égrégore de la théologie catholique, chrétienne, un petit égrégore pour eux. Lorsqu'ils meurent, c'est dans cet égrégore qu'ils vont, donc ils vont au ciel. Même si dans le ciel, il y a une phase purgatorielle et une phase infernale qui existe de toute façon au niveau du vivant. On a aussi le ciel, on peut y avoir accès dans un corps vivant, comme à la phase purgatorielle, comme à la phase infernale. Maintenant, le Nazaréen va prendre Pierre pour créer cette chose, et on aura donc la lignée papale, la lignée, disons, catholique, et toutes les sectes qui se fondent et qui se scindent font quand même partie de l'Église du Christ, c'est-à-dire qu'ils font partie de ceux qui vont, préserver les mémoires d'un enseignement astral mémoriel, effectivement, de ce que le Nazaréen a dit. Et le Nazaréen va rencontrer l'un personnage avec qui il a un lien sanguin. Ce n'est pas son frère, etc. Ce n'est pas son fils non plus. Mais par la génétique, il a un lien sanguin. Et il va travailler avec ce personnage-là qui va être Lazare. Et ce Lazare va être le confident du Nazaréen, même s'il n'est pas le confident de l'ego. De Lazare, on peut dire bien des choses. On dit l'ami, ouais, c'est ça. Oui, on dit l'ami, mais je veux dire, c'était un ami très, très, très proche. Ça va de soi. Mais pas homosexuellement. Non, je veux dire, à confident puis ami, c'est complice. Sauf que Lazare va être celui qui va supporter la transmission intelligente de l'énergie christique à l'échelle de notre planète après le départ du Nazaréen, ce que l'Église ne fera pas. L'Église doit donc travailler exotériquement à préserver le travail de Lazare. Lazare qui va être le comte de Saint-Germain, qui va être Léonard de Vinci, qui va être Thomas Paine, qui va être un personnage qui est présentement sur la planète, et qui va être, et qui a été avant ça Hiram Abiff, et qui a été un paquet d'autres personnages. C'est-à-dire que l'Église prétend qu'elle est la transmission nommément désignée par le Christ pour être la tradition. Effectivement. Puis il est possible que la volonté de rester très unie dans une communion en étant comme le délégué là, apostolique, c'est le cas de le dire, là, du savoir instantané, il est possible qu'elle ait été moins ouverte à ce qui se faisait à l'extérieur. Je dis une chose extrêmement précise. L'Église est le porte-parole de la tradition, ce que je viens de te dire, de la mémoire. Ouais, c'est ça. Mais elle n'est pas le porte-parole de l'intelligence. Du savoir instantané, c'est ça. Non. Par contre, ça n'empêchera pas certaines personnes qui, supportées par les mémoires de l'Église, finissent par avoir un ego qui libère le mental et qui va rejoindre le savoir instantané, comme François et comme certains papes et comme d'autres individus, évidemment, de l'Église catholique, comme on en a trouvé aussi aux Indes ou dans d'autres formes d'Église. Bon, sauf que cette Église permet, permet différentes choses relativement intéressantes. Là, si on a des questions lors de la deuxième, on pourra en parler. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt de poursuivre au niveau d'Église. Le Nazaréen lui-même, il a amené ceci. C'est-à-dire qu'il a vibré et l'ego de l'époque le savait. Premièrement, l'Église catholique va être construite de façon à servir de parapluie à l'homme, pour empêcher l'homme de recevoir, d'avoir un contact avec l'intelligence supramentale trop rapidement, même si, parce que son corps peut ne pas être prêt. Ça donc, pouvait remettre en question des autorités. D'ailleurs, la plupart des saints ont remis l'Église en... Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le contact, donc, l'Église sert de phénomène initiatique lunaire. L'Église sert à ombrager l'évolution des humains. L'Église sert à, on pourrait dire dans un terme émotif, à ralentir l'évolution supramentale de l'homme. Finalement, de la provoquer. Exactement. L'Église sert à la ralentir, c'est-à-dire que l'Église sert à faire en sorte qu'un homme ne se connecte pas et ne meure pas. Un autre se plug et vient fou. Un autre se plug et pète. Un autre se plug et capote aussi. Alors, l'Église sert à tempérer l'évolution d'une humanité collective qui sont bénéficiaires de la mémoire du passage de la première intelligence christique sur la planète, qui fait que l'humain plagiant tout ce qui doit être plagié, mémoriellement, hein, l'humain veut vivre la vie d'un autre, se connecte à la mémoire du Nazaréen et essaie de suivre sa trace, alors que par où il est passé, personne d'autre ne passera. Par contre, d'autres humains feront un autre passage. Il y aura 14 passages. Bon, il y en a un qui est utilisé puis qui est présentement bouché. Il va se déboucher par en haut à un moment donné, mais là, l'homme ne traversera pas par là. Bon. Alors donc, cette Église sert à cela. Elle sert à tempérer, à camoufler, à dire aux gens « Oui, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. » Bon. Ce qui force l'humain à réfléchir et ce qui temporise dans le temps planétaire l'évolution biologico-génétique de l'homme, permettant à l'homme, à un moment donné, d'engendrer une race, nord-planétaire entre autres, et on en a beaucoup au Québec, d'ailleurs c'est la majorité... De ces hommes, de cette race va naître au Québec, qui, à un moment donné, pourront transcender le phénomène de l'Église, parce que l'Église, c'est une religion. Religion, ça veut dire relier. L'Église est une technique pour relier. Sauf que cette technique, tu l'abandonnes quand tu es relié. Je dirais plus que ce que vous avez dit. Vous dites que pour le nord du Québec, là, si c'est vrai votre histoire de savoir instantané, puis si tout le monde y a accès, c'est tout le monde, finalement, qui est cette race-là. Oui, mais pas en même temps. C'est la nuance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Église, elle bouche les choses. Lorsque l'énergie traverse, lorsqu'elle frappe certains humains, l'humain grossit. Lorsque l'humain grossit, l'humain traverse le phénomène de l'Église. Et toutes les religions ont il y a des lois qui régissent le phénomène d'une religion. Hein? Tu ne peux pas dans le monde de la mort partir une religion comme ça. C'est régi par des phénomènes qui sont les lois des égrégores. Et il y a une chose importante, c'est qu'une religion n'a pas pour fonction de libérer l'homme d'elle-même. La religion, c'est comme un maître. La religion, c'est comme un gourou. La religion, c'est comme un prêtre. Ce n'est pas là pour libérer l'homme de lui. C'est là pour assujettir l'homme à lui, tout en permettant à l'homme de faire un cheminement évolutif qui est le même que le maître, l'Église, le gourou, le prêtre. Et c'est très intelligent, mais important de comprendre le phénomène. Lorsque ton évolution peut aller à côté de celle de l'entité que tu suis, de l'Église, du gourou, du prêtre, du maître, tu dois le laisser pour le dépasser. Étant donné que l'Église fait affaire à un phénomène d'évolution collective, ce qui est extrêmement hautement intelligent et essentiel, bien évidemment, lorsque l'individu commence à être désassujetti de la mécanicité de l'Église, il ne peut plus évoluer dans l'Église, il doit évoluer à part de l'Église. Ça veut dire qu'il devient, l'Église, il devient l'élément le plus saint, finalement. Il devient celui qui va amener l'Église avec lui, si l'Église ne le détruit pas. C'est ça que le Christ n'aurait pas dit. Ça, c'est une des choses que le Christ a dit. Pierre le savait, Pierre savait que son rôle était d'être un rôle temporisateur, tandis que Saint-Germain, qui est un être qui, de toute façon, était luciférien au niveau de sa vibration, un être de lumière, qui voulait absolument amener la lumière à l'échelle de la planète, et cette lumière à l'échelle de la planète faisait que l'humain explosait avant. D'ailleurs, même dans la Bible, on va trouver que lorsque l'homme regarde Dieu en face, il brûle. C'est ce que ça veut dire. Alors, Lucifer... qui, à un moment donné, a engendré certains enfants à l'échelle de notre planète, des enfants plus purs, dont le comte de Saint-Germain, Hiram Abiff, enfin, Lazare. Ce Lazare, par l'initiation, par le feu qu'il a vécu à cause du Nazaréen, lorsqu'il a été dans le monde de la mort et lorsqu'il a été réveillé par le Nazaréen, les humains qui ne comprennent rien parlent de ressusciter, mais même le Nazaréen l'a dit lui-même, il dort, donc il n'est pas mort. Et lorsque Lazare revient, il comprend l'affinité du bien et du mal, et Lazare va devenir le gestionnaire du bien et du mal sur la planète. Donc, c'est lui qui va régir tout ce qui, présentement, alimente dans la phase évolutive de notre planète, autant les guerres que les béatitudes, autant les famines que l'aide qui vient pour les pays en famine, autant tout ce qui va arriver aussi. Maintenant, l'Église, elle a un rôle primordial, c'est que l'Église a une fonction particulière que le Nazaréen savait, mais qu'il n'a pas, évidemment, expliqué, à ses apôtres ou à Pierre, parce que ceux-là n'auraient rien fait s'ils l'auraient su, ce genre de choses, et l'intelligence supramentale ne pouvait les instruire, parce que l'ajusteur de pensée des apôtres était un ajusteur collectif, c'était le même ajusteur que celui du Nazaréen, et qui était sous le contrôle du Nazaréen. Donc, on peut même dire que le Nazaréen était l'ajusteur de pensée de ses apôtres. Un lavage de cerveau, si tu veux, mais c'est pas grave, c'est un lavage intelligent. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église a un rôle de tampon. L'énergie supramentale descend, toute la force astrale planétaire, quelles que soient les théologies, a le même rôle, mais l'Église a le rôle le plus puissant pour la simple raison qu'elle est la consistance mémorielle du premier passage de l'intelligence christique à l'échelle de notre planète. L'Église, elle a un rôle qui fait que lorsque l'énergie descend, elle sert d'ajusteur hyper collectif à l'énergie supramentale pour tous les millions de fidèles. Mais ces millions de fidèles, donc l'Église passe, l'énergie supramentale arrive. Le gros de la dose va être donné normalement au pape, mais pas toujours. Elle peut être donnée quand le pape est trop con, c'est des personnages qui sont apparemment imbéciles, qui vont devenir des saints, c'est-à-dire qui vont servir des personnages imbéciles. Pourquoi? Des personnages qui n'ont presque pas d'ego. Des personnages qu'on peut le piler ses pieds. Les personnages, ça leur dérange pas d'être à poil dans la rue, ça les dérange pas de mendier. Il y a aussi les personnages qui couchent à la pluie. Il y a aussi des grands théologiens d'avant Vatican II qui étaient très contestés et qui étaient des gens brillants. Effectivement, mais ceux-là étaient suffisamment égoïques. Donc, quand c'est pas le pape qui l'a, ça va être d'autres individus. Sauf que ces individus-là l'ont, mais n'ayant pas un ajusteur de pensée suffisamment élaboré et n'ayant pas un cerveau suffisamment puissant pour supporter un contact pur, ils vont transmettre émotivement leur contact pour... Oh ben, faire pousser d'un pas l'évolution de l'Église, et c'est ceux qu'on va appeler les saints ou les élus à un moment donné. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on arrive dans une époque, et le Nazaréen, évidemment, l'avait pensé, à un moment donné, lorsque le temps sera venu, parce que l'homme génétiquement sera suffisamment puissant pour entrer en contact avec l'intelligence supramentale, par un ajusteur de pensée qui lui sera propre, il n'aura plus besoin de l'ajusteur épais. Quand je parle épais, je parle dense de l'Église. Donc, lorsqu'il n'aura plus besoin de l'ajusteur épais de l'Église, cela voudra dire que des êtres humains au sein de l'Église auront un contact pour commencer à créer des tourbillons dans l'Église et la scinder. Donc, l'apparition d'une multitude de sectes. À l'intérieur des sectes, il y aura évidemment encore des phénomènes, et ces sectes vont servir à quoi? Les sectes vont servir à supporter, les sectes vont servir à ramasser tous les individus qui ne peuvent pas se passer de la religion catholique, lorsque la religion catholique ne sera plus catholique. Ça se peut-tu qu'il y ait une contradiction? Ça se peut-tu qu'il y ait une espèce de contradiction intelligente chez le Christ? Par exemple, que d'une certaine manière, il imposait à la mémoire des réserves, puis d'autre part, il appliquait l'homme au savoir instantané. Comment on joue avec ces deux... Regarde, le savoir instantané, c'est la partie que le Nazaréen faisait pénétrer chez l'humain, pour que l'humain ait une connaissance, une consistance mémorielle de l'intelligence. Mais tout le reste, la mémoire qu'il venait, était pour, oui, et tout le reste, le phénomène mémoriel ou astral qui l'amenait, était là pour camoufler ce savoir, parce que l'être humain était tellement orgueilleux, tellement égoïsé, que le peu de savoir qu'il avait le faisait en sorte qu'il se prenait pour un dieu, pour un roi. Donc, il devait avoir suffisamment de mémoire astrale pour le manipuler, pour le faire souffrir suffisamment, de façon à ce qu'il puisse se dire que même s'il sait que, il n'y a rien réussi à faire encore. C'est pas l'ego qui va avoir le contact, ça va être l'homme réel. En réalité, l'ego n'aura pas le contact avec le plan spirituel ou le plan extraterrestre ou le plan supramental. C'est l'énergie intelligente qui aura le contact avec les plans terrestres. Donc, ce n'est pas l'homme qui détermine quand, c'est de là-haut qu'on détermine. Où est allé l'esprit du Christ après la résurrection? Est-ce que les 12 faisceaux qui restent au niveau de la planète quitteront la Terre un après l'autre ou restent-ils sur la Terre comme celui de Lazare? Bon, les 12 faisceaux vont quitter la Terre en leur temps. Et l'esprit du Nazaréen, c'est un esprit... Il faut comprendre, pour pouvoir parler de l'endroit où est allé l'esprit du Nazaréen, il faut arriver à comprendre un peu que plusieurs formes que nous avons comme concepts philosophiques ne sont pas nécessairement appropriées à transmettre la réalité. Alors, si on parle d'un phénomène galactique, on peut parler d'un esprit christique. Si on parle d'un phénomène qui peut être universel, on peut parler d'un esprit qui est un peu au-delà de l'esprit christique. Si on parle d'un phénomène qui est super universel, on parle de ce qu'on appelle ésotériquement le plan divin, qui est encore une fois doublement au-delà de l'esprit christique. Le Nazaréen, ce n'a pas été que du Christ. Christ, énergie supramentale. Le Nazaréen a été le premier être à amener l'énergie supramentale à l'échelle de notre planète, induisant par le fait même dans la mémoire expérientielle du monde de la mort, le ciel, le phénomène du plan mental, l'intellect. Maintenant, le Nazaréen, après sa disparition, lorsqu'il est revenu sur la planète devant ses apôtres, il avait comme corps son double éthérique, le double que nous créons en anégoïsant notre âme, notre ego. Lorsque le Nazaréen est apparu, il a donc il s'est présenté avec son double éthérique, son corps éthérique, c'est pourquoi il avait un corps de lumière. Lorsqu'il a quitté la Terre, il n'est pas revenu, disons, immédiatement, pour la simple raison qu'il a continué son cheminement évolutif qui lui demandait de traverser deux autres plans. Il était au niveau du plan supramental, le plan christique, qu'il devait ascender le plan qu'on appelle le plan bouddhique, mais qui n'a rien à voir avec Bouddha. Et il devait par la suite arriver à entrer dans un état de conscience qui va être créationnel, un état de conscience qui porte le nom ésotérique de plan divin et qui n'a rien à voir encore avec les dieux que nous connaissons. Donc, le Nazaréen, présentement, reste énergétiquement gestionnaire de notre galaxie, la Voie lactée, mais au niveau de sa conscience. Ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est lorsque l'on parle de ce genre de choses, l'humain qui n'a pas les mots, qui n'a pas les concepts dans sa mémoire égoïque ou amique, a de la difficulté à saisir parce qu'on parle de l'esprit. Ben, l'esprit, ce n'est pas de la matière. Si ce n'est pas de la matière, ça peut quand même être logé dans un espace-temps. Si c'est logeable dans un espace-temps, ça devrait subir les mêmes perturbations que le temps et l'espace, donc que la matière. Et effectivement, l'esprit christique qui reste galactique est régi par un espace-temps. Donc, il est régi par, il doit vivre en étant imposé par la courbure spatio-temporelle que va lui amener les planètes, les soleils, les trous noirs, les trous blancs, enfin tout ce que nous pouvons connaître dans un phénomène universel relié à un univers que nous connaissons et certains points nous ne les connaissons pas dans notre phénomène de notre galactique comme notre galaxie. Alors, la conscience du Nazaréen est présentement au-delà. La conscience la plus proche de la nôtre, la conscience christique, reste limitée à l'expression galactique. Et c'est par cette conscience christique qu'à un moment donné, l'humain aura accès à un savoir instantané qui lui permettra de se relier soit au faisceau christique nazaréen, soit au faisceau christique des 12 autres faisceaux d'énergie. Les 12 faisceaux d'énergie se relient au-delà de la conscience galactique, donc au-delà de la conscience christique, se relient dans quelques faisceaux, l'ordre de 3 faisceaux, qui sont dans ce plan des cieux qui portent le nom de bouddhique, mais qui n'ont rien à voir avec Bouddha. Un jour, il faudra inventer de nouveaux termes, parce qu'à un moment donné, bouddhique, Bouddha, divin, dieu, et ces termes sont colorés par l'émotion théologique de ceux qui les ont amenés il y a de cela quelques décennies. Lorsque les 3 faisceaux sortent du contexte universel, ils pénètrent dans un endroit super-universel ou créationnel, et ces 3 faisceaux s'unissent en un faisceau, ce qu'on va appeler le plan divin. Quand on parle de faisceau à ce niveau, le faisceau emplit toute la création. Lorsque ce faisceau pénètre dans des régions universelles, la région universelle, spatio-temporellement exprimée, n'a pas suffisamment de puissance pour soutenir un seul faisceau ou l'expression complète de cette énergie intentionnelle ou intelligente. Alors, ce faisceau est divisé en 3 faisceaux, chaque faisceau étant 3 fois moins puissant, même s'ils sont nés d'un, peuvent être supportés par une région universelle. Lorsque celle-ci pénètre une région galactique, comme la nôtre, entre autres, elles ne peuvent pas, chaque faisceau ne peut pas être supporté, alors ils vont se rediviser en 3 ou 4 faisceaux, dépendant des faisceaux, créant 12, 13 et 14 faisceaux galactiques, qui vont, à l'échelle de notre planète, être redivisés en plusieurs individus, qui va engendrer la multitude d'humains que nous avons connus et que nous connaissons sur notre planète. 140 853 élus vers la fin de la régression de l'intelligence terrestrifiée en contexte supramental. Cela veut dire que par le phénomène des réincarnations pluralitaires, tous les humains seront retrouvés dans 144 000 et quelques personnages qui seront reliés par groupe de approximativement 12 000 à chacun des faisceaux. Chacun des faisceaux sera représenté dans le début de cette régression supramentale par des êtres humains qui auront un contact avancé avec le plan supramental, un peu ce que nous avons connu au niveau des 12 apôtres, qui étaient évidemment supportés par 63 autres disciples du Nazaréen et qui par la suite, évidemment, allaient communiquer avec le reste des masses. Donc, dans les temps qui viennent, évidemment, il y aura des choses qui vont se passer relativement intéressantes. Chaque faisceau aura son cheminement à vivre et en son temps, il sera celui qui passera. Il y a un faisceau extrêmement puissant, une chose extrêmement frustrante. C'est que le faisceau le plus faible a été celui qui le premier a été exprimé. De quoi est mort Joseph? Est-ce que Jésus a eu des frères et des sœurs? Est-ce que Jésus a eu une progéniture? Joseph est mort d'un accident de construction. Il était menuisier, charpentier. Maintenant, l'un des frères de Joseph s'est occupé de la mère de Marie, de ses frères et de ses sœurs. Et il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire. Ça, c'est une belle expérience du savoir instantané. J'ai l'impression que tout le monde a compris. Est-ce que Lazare serait Jean l'apôtre? Y a-t-il une différence entre le savoir instantané et le verbe, la parole? Bon, Lazare n'était pas Jean, quoique les deux avaient des consonances génétiques extrêmement proches, mais pas par des lignées familiales, mais non pas par sanguinité immédiate. Y a-t-il une différence entre le savoir instantané, le verbe et la parole? Il y a une différence, c'est-à-dire que le savoir instantané s'exprime par différentes choses. La motricité, elle peut être exprimée par la gestuelle, comme par la parole, comme par l'écriture. À un moment donné, par télépathie, lorsque les humains seront suffisamment vibratoires au niveau de leur cortex cérébral. Le verbe et la parole. Il y a la voix, il y a la parole, et les deux bien ajustés engendrent le verbe. La parole, c'est la faculté de transmettre un onde de forme par une vibration sonore articulée. La voix, ça va être ce qui va déterminer le support de la parole, et la voix doit être ajustée en fonction de ce qui doit être dit. Donc, on peut découvrir chez l'humain une voix émotive, une voix mentale, une voix vitale. À un moment donné, il aura même une voix supramentale. Alors, on a l'humain qui va parler, qui va être extrêmement émotif. Hein? On connaît suffisamment ce genre d'expression. On a l'humain qui va parler entre les deux, d'une façon émotivo-mentale, la phase intellectuelle. On a l'humain qui va parler avec une voix mentale. Et on aura à un moment donné l'humain qui parlera avec une voix supramentale. La voix mentale, ajustée à une parole juste. Donc, tout à l'heure, je faisais cette expérience avec Yvan, où je lui disais de cesser de s'excuser d'être intelligent. Lorsqu'à un moment donné, l'humain est toujours là, c'est comme si on avait... Est-ce que c'est ce que tu as ou non? La parole ajustée permet donc d'arriver à un moment donné à dire immédiatement ce qui énergétiquement traverse l'homme sans avoir à le colorer par un paquet d'atténuations émotives pour que l'ego n'ait pas l'impression qu'il se prend pour un autre. Parce qu'en réalité, à un moment donné, l'ego, c'est de l'ego. Mais l'homme qui parle peut être autre chose que de l'ego. Lorsque les deux sont ajustés, cela crée le verbe. Le verbe, c'est la faculté de contenir dans un mot la forme totale et complète de ce qui est ajusté au mot. Lorsqu'à un moment donné, un humain va dire « cheval » et qu'il va être capable de prononcer. Maintenant, « cheval », c'est un mot qui est trop collectif. Lorsqu'à un moment donné, on regarde un animal à quatre pattes qui vient vers nous, par exemple, et qui court au galop et qui a l'air tout à fait en furie, hein, cheval qui a le mort aux dents, lorsqu'il fonce sur quelqu'un, la personne qui a suffisamment de sensibilité vibratoire pour arriver à diagnostiquer et à décoder l'onde de forme de ce cheval dans l'événement vivant qu'il vit, va être capable par la parole de transformer l'onde de forme du cheval dans un contenant parfait oral et articulé. Et s'il le prononce, il pourra ordonner quoi que ce soit à cette chose et le cheval n'aura pas d'autre choix que de le faire. C'est de cette façon-là que le notarien exorcisait lorsqu'il a rencontré une personne possédée. Il nommait la chose, c'est-à-dire qu'il arrivait à en décoder et à donner le nom, et par le nom, il disait s'il voulait, la chose partait. Alors évidemment, le verbe, l'intelligence supramentale va engendrer le verbe chez l'homme, le logos, sauf que le verbe doit être transporté par une voix minimum mentale ajustée par une parole juste. Peux-tu parler du savoir instantané? Récemment, j'ai eu un tel contact, mais mon entourage n'était pas prêt à cela et indirectement, je vis ainsi une rechute. On me disait des choses telles que « Pour qui te prends-tu? Qui es-tu? » Bon, c'est une question qui est extrêmement ample et vaste. Il y a des questions, à un moment donné, que je préfère répondre en séminaire intensif parce qu'on est deux jours avec les individus et on peut parler réellement des phénomènes personnels. Ici, ce serait extrêmement compliqué de parler de tout le phénomène du contact, de quelle façon l'astral ou les forces d'évolution s'arrangent pour prendre un individu là, et le récupérer. Si l'individu est difficilement récupérable, ce phénomène-là va manipuler son entourage, normalement son concubin ou sa concubine, son mari, sa femme, son ami, son amant, pour pouvoir faire en sorte de récupérer l'individu qui commence à avoir ce contact avec une énergie supramentale. Ça ne fonctionne pas, manipule les employeurs ou les employés, les enfants, enfin l'entourage, les voisins, pour arriver toujours à récupérer l'individu. On le place dans un contexte initiatique descendant. Et c'est des choses qu'on aborde, disons, suffisamment au niveau du séminaire, étant donné qu'on parle de manipulation. Alors, c'est trop long de répondre clairement à la question. Pourquoi une rencontre directe face à Dieu, l'homme brûlerait-il ou se consumerait-il de l'intérieur? Bon, si on veut parler d'une façon physique, un être humain biologique qui entrerait en contact avec la puissance supramentale directement ne brûlerait pas de l'intérieur. Il brûlerait au complet. Atomiquement parlant, ça deviendrait une espèce d'explosion nucléaire qui aurait une capacité assez intéressante pour les militaires. L'énergie supramentale, c'est de l'énergie qui, lorsqu'elle est densifiée dans le temps, elle va finir par prendre une forme de vibration. L'énergie supramentale, intelligence, prenons juste l'exemple de l'énergie, et les noms, selon leur palier d'expression, il y a des noms différents. L'énergie, c'est quelque chose qui ne peut être révélé dans le temps et dans l'espace que sous forme de quantité. Alors, à un moment donné, il n'y a pas rien de révélé, mais il y a de l'énergie qui s'accumule, mais personne ne peut le savoir, même pas un être humain comme le Christ. Et à un moment donné, il y a suffisamment d'énergie que ça crée une quantité qui, pouf, se révèle. Cette révélation peut porter le nom de gluon, peut porter le nom de mésatron, peut porter le nom de neutron, peut porter le nom de proton, peut porter le nom de plusieurs autres formes de photons, de plusieurs autres formes de quantité d'énergie. Cette énergie, lorsqu'elle est exprimée selon une quantité particulière, devient une forme matérielle qui, par la suite, agglomérée ensemble, va constituer un potentiel énergétique hautement puissant qui n'a aucune valeur dans l'espace-temps tant qu'il est exprimé comme il est, l'atome. Lorsqu'à un moment donné, on arrive à fissurer un atome, on libère de l'énergie. Cette énergie incommensurable, énergie grandiose, grosse comme un soleil, est contenue dans une particule que les microscopes n'arrivent pas à voir et que les cyclotrons, les accélérateurs de particules, arrivent à peine à détecter par les traces qu'elles laissent. Lorsque nous parlons de l'énergie, prenez l'exemple de l'énergie pure. C'est comme si on demanderait pourquoi l'être humain n'est pas capable de se placer en plein milieu d'une explosion nucléaire et de la regarder, de vivre l'événement sans brûler. L'explosion nucléaire est à peu près aussi grosse qu'une étincelle de briquet qui ne s'allume pas comparativement à un contact supramental pur, en proportion. Alors, l'être humain qui n'est pas ajusté, qui n'a pas de potentiel énergétique autre que le corps physique, qui ne peut pas avoir un contact autrement que par son système neuronique, ne peut pas. Les axones meurent, tout se brûle, les personnes deviennent dingues. Sinon, la personne brûle carrément, instantanément, spontanément. Ou bien, la personne n'a pas le contact. Et normalement, c'est pourquoi la religion devient extrêmement importante, même si, à un moment donné, elle ne sert plus à certains humains. Elle empêche, elle permet le contact de l'esprit ou de l'intelligence supramentale avec le plan planétaire, sans démolir l'homme. Et lorsqu'à un moment donné, l'homme est suffisamment avancé, alors il outrepasse la religion, parce qu'il se connecte. Donc, il n'a plus besoin de la technique. Devons-nous passer par le jardin des oliviers comme le Nazaréen, ou si l'énergie étant là, le passage au supramental sera facile pour nous? Tout ce que le Nazaréen a fait, vous n'avez pas besoin de le faire, cela a été fait. Tout ce qu'à un moment donné d'autres feront, vous n'aurez pas besoin de le faire, ça va être fait. Chaque individu va passer par son propre chemin et ça ne sera pas une vie qui sera similaire à la vie du Nazaréen ou la vie de d'autres. C'est pourquoi la vie d'emprunt ne mène à rien. Elle ne mène qu'au monde astral où a été mémorisé le résultat de celui que l'on veut emprunter, à qui on veut emprunter la vie, mais elle ne mène pas à la réalité de la vie. Pourquoi Judas a trahi le Nazaréen? Y a-t-il un lien entre Barabbas et l'armée des Zélotes? Les Esséniens qui se sont arrangés à un moment donné pour, disons, former une secte, la secte nazaréenne, dans la seule secte essénienne qui acceptait les femmes dans le but de procréer, avaient évidemment depuis longtemps la vibration intelligente qu'un jour un roi des Juifs arriverait. Lorsque le Nazaréen est apparu, lorsque Jésus est apparu, les Esséniens étaient convaincus que c'était le roi des Juifs, un être extrêmement intelligent mentalement, un être qui aurait la faculté de diriger les troupes, un être que l'on placerait à la tête des Zélotes pour pouvoir renverser le régime romain. Lorsque le Nazaréen est arrivé, Barabbas était prêt à laisser la place au Nazaréen. Barabbas était l'un des chefs des Zélotes. Et le Nazaréen, lui, avait, par sa vibration, évidemment, dépassé complètement le plan essénien et il devenait non pas un roi terrestre, mais disons l'expression matérielle d'une royauté céleste ou encore cieleste. Alors donc, y a-t-il un lien de Barabbas? Barabbas a été celui qui a dû jouer le rôle essénien de la révolte. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Barabbas devait donc remplacer le Nazaréen qui avait refusé d'être le roi des Juifs pour être simplement son propre maître. Pourquoi Judas a trahi le Nazaréen? Parce que Judas était encore un homme trop humain, un être humain qui aimait sélectivement le Nazaréen, un être humain qui n'était pas capable d'aimer plus le travail du Nazaréen que le Nazaréen. Judas a succombé, il a aimé trop le Nazaréen et pas assez son travail, alors il l'a trahi. Que veut dire la Trinité du point de vue ésotérique? Trinité vient de la terminologie tri-unité. Cela veut dire qu'il y a une seule chose, et cette chose est tellement grandiose que lorsqu'elle entre dans un contexte, tout à l'heure on parlait de division, parlons de la trinité théologique d'un seul faisceau qui rentre chez l'homme, parce qu'à l'échelle de la planète, chaque faisceau d'énergie supramentale est tri-unitaire. C'est-à-dire que l'homme ancien ainsi que l'homme transitif, homme, femme, enfant, ne peut faire autrement lorsqu'il aborde le contact supramental, il ne peut pas le voir dans sa globalité. Alors, il pourra le découvrir à partir d'une partie chez lui, son ego, et ce sera le fils. Il pourra le découvrir à partir de son mental, et ça pourra être le père. Et il pourra le découvrir à partir de son instantanéité vitale, et ce sera l'Esprit Saint. On va dire l'Esprit Saint plus bas, le fils en deuxième, le père en troisième. C'est une connotation qui est légèrement, c'est-à-dire qui est fausse, qui est faussée, en ce sens que normalement, l'humain va entrer en contact avec l'Esprit Saint en premier, même s'il n'a pas un contact complet et conscient. Celui-ci va lui faire découvrir un amour plus aimant et par la suite, il pourra intelligencer l'amour. C'est donc l'ordre dans lequel on devrait normalement, enfin, lorsque l'on suit un cheminement collectif d'évolution, entrer en contact avec un faisceau d'énergie supramentale, un faisceau christique. Tri-unité, trois expressions ou trois choses unies à la même chose, donc c'est un bloc. Ne pouvant le conscientiser sur tous les plans en même temps chez l'homme normal, l'homme ancien et l'homme transitif, il le conscientise sur un palier ou sur l'autre, d'une façon tri-unitaire. Pourquoi si Pierre était le plus faible était-il en tête des apôtres? Le plus faible est toujours le plus gueulard. J'ai entendu dire que votre PMC, programme maître contrôleur, amène les gens à prendre contact avec leur ajusteur de pensée. Est-ce exact? Si oui, parlez-en beaucoup, je suis très intéressé. PS, votre conférence est extraordinaire, super. Bon, il y a des mots qui ne servent à rien. J'ai entendu dire que le PMC, quand on entend dire que l'eau est salée ou sucrée, on n'a qu'à écouter pour le savoir. Maintenant, c'est évident que le programme être contrôleur a pour fonction d'amener l'être humain à être son seul maître et la façon finalitaire du PMC, tel que nous le concevons présentement, c'est le contact avec son ajusteur de pensée. Ce qui est tout à fait chez la majorité des gens. Le PMC commence avec le séminaire intensif, qui permet aux personnes de goûter un peu à ce que c'est que de l'énergie supramentale, à ce que c'est que de l'énergie christique, ce qui leur permet en même temps de conscientiser réellement leur phénomène de manipulation et de comprendre aussi souvent pourquoi eux vivent ce qu'ils vivent. Commenter les paroles de Jésus ou de Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers. Bon, connais-toi toi-même, évidemment, implique le fait que l'être humain doit être son seul maître. Il peut évidemment prendre des références ailleurs tant qu'il est dans un phénomène d'expérience émotive, mémorielle. Connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers, cela va de soi, pour la simple raison que le « connais-toi toi-même » fait référence à l'idée que l'être humain est un être complet. L'être complet possède l'intelligence instantanée et la mémoire de cette intelligence dans le domaine de la Terre. Le toi-même qui doit connaître est l'intelligence de l'homme et le toi-même qui doit être connu est l'ego de l'homme. Lorsque l'ego veut se parler, l'ajusteur de pensée lui amène de l'information. Lorsque l'ego passe son temps à lire dans des livres ou à demander aux autres « Comment me trouves-tu? Penses-tu que j'ai évolué? » etc., etc. L'intelligence instantanée ne peut, par l'ajusteur de pensée, donner autre information à l'ego que ce « connais-toi toi-même ». Alors, tu devrais être capable de savoir de par toi-même ce que tu es, sans avoir à vivre dans un monde de compétition ou dans un monde de comparaison. Le « connais-toi toi-même » est une essence typique de ce qu'est l'intelligence supramentale, ou encore du phénomène du programme maître-contrôleur. Maître-contrôleur, l'homme doit être son seul maître. Ben, c'est ça. L'homme doit être son seul maître ne veut pas dire qu'il doit nécessairement être le seul qui va le contrôler. L'intelligence reste le maître. Sauf que l'homme doit être son seul maître en ce sens qu'il doit être le seul qui va arriver à pouvoir s'instruire. Et si l'être humain ne doit faire confiance à personne, il apprendra aussi qu'il ne doit pas se faire confiance non plus à lui. Étant son seul maître suffisamment vivant, il restera dans ce « connais-toi toi-même ». Le « connais-toi toi-même » n'est pas une chose qu'on doit mémoriser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain va dire « maintenant, je me connais ». Il mérite un coup au cul. Pour la simple raison que s'il dit « maintenant, je me connais », c'est qu'il est mort. Parce que vu qu'il continue à vivre et à se transformer, il ne peut pas dire « maintenant, je me connais ». Il ne peut dire que « je me connais ». Parlant de « maintenant », de l'instantané. Mais il ne peut pas dire que oh, « j'ai suffisamment fait d'expérience, là, après les 15 ans que j'ai, les derniers que j'ai passés, j'ai appris à me connaître ». Tu as appris à connaître ce que tu étais. C'est toujours pas ce que tu es. Pendant l'ascension, le corps du Nazaréen est monté et a été emporté par une nuée. Où est-il parti et que veulent dire les Écritures? Que veulent dire les Écritures quand elles parlent de nuée comme au temps de Moïse sur le mont Sinaï? Mère a parlé que L'énergie supramentale peut transparaître sous la planète Terre sous forme de neige, sous forme de nuée. C'est le même phénomène. Pendant l'ascension, le corps de Zarien est monté et a été emporté par une nuée. Bon, si Albert serait ici aujourd'hui, il serait content de ce qu'on peut jaser là-dessus. Lorsque l'énergie supramentale entre en contact... Ouais, c'est intéressant. Il y a le noyau de l'atome, il y a une panoplie d'électrons qui tourne autour. Sur le premier palier orbital de l'atome, il ne peut y avoir que deux électrons. L'électron ne peut pas tourner plus proche, il ne peut pas tourner plus haut. Il reste sur un palier et il y a deux électrons. Dans le cas de l'hélium, par exemple, il y en a un dans le cas de l'hydrogène. Si on peut avoir, par exemple, quatre autres électrons sur un deuxième niveau et les électrons tournent. Donner de l'énergie à un atome, évoluer, s'énergiser, va faire en sorte, à un moment donné, qu'un électron va changer d'orbital. Cela altère complètement sa facilité ou sa faculté d'être en résonance avec des plans particuliers de l'âme ou de l'ego, ce qui fait que le cerveau étant constitué d'une panoplie d'atomes d'azote, de carbone, d'oxygène et d'hydrogène au niveau des neurones et des cellules gliales, cela va faire en sorte que lorsque l'être humain augmente son potentiel de vibration, il change il polymérise ses neurones, il change la structure atomique des orbitales de ses électrons autour de son noyau. Cela fait en sorte qu'il rentre en contact ou qu'il est moins manipulable par des plans conventionnels. Dans le cas de l'âme nouveau, dans le cas du Nazarien, la dose d'énergie, si le proton, si le noyau ramasse de l'énergie, il est plus attractif. L'électron devrait s'écraser dessus. Ça n'arrive pas. L'électron change d'orbital et reste à un point particulier. Si on donne de l'énergie normalement à un atome, c'est l'électron qui en bénéficie. Il change d'orbital, léguant l'énergie au proton et il reste plus élevé. Donc, le proton ayant plus, le noyau ayant plus d'attraction, l'électron étant plus loin, il y a un équilibre. L'atome ne change pas dans l'apparence mécanique. Disons chimique, mais elle change au niveau de l'expression vitale énergétique. Dans le cas du Nazarien, lorsque l'énergie supramentale augmente la densification énergétique de ses atomes, il augmente et l'énergie du noyau et l'énergie des électrons, ce qui fait que l'électron ne change pas d'orbital, le noyau devient plus important en énergie, les électrons aussi, ce qui fait que, selon la formule d'Albert, E est égal à mc carré, étant donné que la masse est dépendante de l'énergie, plus on augmente d'énergie, plus la masse augmente. Donc, l'atome devient plus massif. Étant plus massif, il va courber plus grandement l'espace-temps qui l'entoure, comme un trou noir le ferait. Le Nazarien, à cette époque, comme l'homme nouveau à un moment donné, aura un corps tellement dense qu'une balle de fusil pourra carrément s'écraser dessus, elle ne peut pas traverser. La structure atomique reste la même, mais la densité et la masse changent. Ce qui fait que l'homme nouveau à un moment donné courbera l'espace-temps autour de lui, ce qui va le rendre pour la première fois intentionnel, c'est-à-dire qu'il pourra altérer le monde dans un état d'intelligence, vu qu'il reste intelligent, assujetti au plan de l'énergie christique ou supramentale. Et lorsque le Nazaréen, à un moment donné, a vu son corps physique densifié à un point tel que la courbure de l'espace-temps s'est amplifiée autour de lui, évidemment, il disparaissait. La nuée, l'énergie supramentale transpirait à l'époque, et cela peut réapparaître encore aujourd'hui sous forme de nuée, de brume, de neige. Elle va évidemment augmenter la densification atomique du corps physique du Nazaréen, ce qui engendre une espèce de corps tellement attractif que tout ce qui passe autour est absorbé. C'est-à-dire absorbé, le terme est inexact. Le temps devient sphérique, donc tout ce qui est à l'intérieur n'en sort plus. Et ceux qui sont à l'extérieur ne voient plus, donc le Nazarien disparaît. Il était resté sur le plan de notre planète, dans un monde où il pouvait transformer toute l'évolution d'un contexte évolutif comme notre planète Terre. Ce qu'il a d'ailleurs fait, mais d'une façon très minime, il a simplement préparé des choses à arriver pour que par la suite, son cheminement finisse sur la croix tel que ça devait se faire. Alors, voilà là où est allé le corps. Anégoïsation semble synonyme d'agonisation pour moi, parfois. Quand je suis jalouse et que l'ego écrase, je déprime, je suis sans énergie, alors que l'anégoïsation doit créer de l'énergie vitale. Quand mon ego est ainsi, je suis plein d'énergie. Comment expliquez-vous tout cela? Bon, c'est très simple. La négoïsation, ça ne veut pas dire refoulement de l'ego. La négoïsation veut dire mutation de l'ego en autre chose. Ce qui va arriver souvent, c'est que l'ego est construit d'une panoplie de particules d'agglomérats mémoriels qui sont toujours en mouvement. Lorsque la personne est jalouse, il y a un manque, il y a une insécurité par rapport à la nutrition de l'ego. Elle est jalouse de perdre un contexte énergétique, par exemple son ami ou quelque chose. Et cette peur fait que l'ego va vivre une expérience intra-amique, donc dans l'âme, une expérience qui n'est plus en résonance avec la réalité exacte et authentique. Cet ego ne pourra plus s'exprimer par le corps physique facilement pour la simple raison qu'il sera en dissonance avec la réalité et il sera en résonance avec ce qu'il vit lui. Automatiquement, l'ego va cesser de son expression, cessant de s'exprimer, il perd la gustation, c'est-à-dire qu'il perd de l'information qui lui permet de prendre conscience qu'il est là. J'ai déjà expliqué souvent que l'ego était comme une personne qui était invisible, qui n'avait aucun sens, elle ne peut pas se connaître elle-même, et cette personne marche dans la neige. Alors, la personne peut voir qu'elle laisse des traces. Voyant qu'elle laisse des traces, elle dit « je suis », mais elle ne peut pas s'expérimenter elle-même. Elle ne peut se connaître que par les traces qu'elle laisse. Lorsque l'ego ne peut plus s'exprimer dans certains contextes, l'ego perd l'idée, perd un peu de ce savoir qu'il est. Perdant l'idée qu'il est, même s'il reste, on peut parler d'anégoïsation. Agonisation, ce n'est même pas encore le terme, c'est une souffrance de l'ego. Lorsque l'ego commence à s'exprimer, alors évidemment, il libère une panoplie d'énergie chez lui et l'ego a l'impression de s'auto-énergiser. Sans doute que la personne qui s'auto-énergise lorsque l'ego est là, ou lorsqu'elle, par exemple, déborde de plusieurs choses, elle s'auto-énergise parce que sans doute, elle est ce que j'appelle, ce n'est pas péjoratif, là, elle est ce que j'appelle une têteuse d'énergie. Donc, automatiquement, elle prend l'énergie à l'extérieur et chez les autres, et elle en bénéficie, ce qui est naturel et normal chez l'homme dans la majorité des cas. La négoïsation, ce n'est pas souffrant, c'est même comique. Si tout le monde doit parvenir au savoir instantané, mais pas en même temps, à ce moment, est-ce que le temps est compté dans X années, il sera peut-être trop tard? Il sera trop tard, pardon. Tout ce qui est fait sur le plan de la planète Terre est permis par l'intelligence. Trop tard, disons que c'est inventé par l'homme. Mais c'était permis. Mais trop tard, ça n'existe pas. J'aimerais que tu élabores afin que je comprenne le plus clairement possible lorsque tu parles des égrégores. Bon, l'égrégore, rapidement quand même, on en parle régulièrement et souvent, ça fait que si la personne vient de temps en temps, elle va évidemment pouvoir le comprendre. L'égrégore, c'est l'accumulation d'énergie qui va être conservée en forme, en quantité et en qualité, donc qui va être mémorisée. Ça ne bouge plus. Va être pétrifié, va être momifié, mémorisé. Et tout ce que nous disons, et l'exemple que je donne souvent, c'est lorsque je parle, une cassette peut enregistrer ce que je dis. La photographie, c'est une mémoire photonique sur une plaque, donc la matière, elle enregistre les choses. Un égrégore, c'est la mémoire placée dans l'atmosphère terrestre, entre autres et dans la matière, de tout ce qui s'est passé. Lorsque un événement est continuellement répété, cela finit par créer une identification dans cette mémoire, comme dans l'ego de l'homme, comme dans l'âme de l'homme, et cette identification finit par devenir une personnalité identifiée, égoïsée, qui va commencer à vouloir être nourrie. Lorsque nous parlons d'égrégore, un égrégore, une forme pensée, c'est un égrégore. Une personne qui pense toujours à la même chose finit par dynamiser une forme pensée, qui est un égrégore très petit, très limité. Lorsque des millions de fidèles prient le même Dieu, ils nourrissent un égrégore dans le monde de la mort, dans le ciel, et cet égrégore peut devenir puissant à tel point qu'il saura même convertir des êtres humains qui n'ont même pas un cerveau pour comprendre ce qui se passe. Lorsque cet égrégore est suffisamment puissant, il a besoin de nourriture parce qu'à un moment donné, il y a des centres... Plusieurs choses. Ces énergies égrégoriennes, ces identifications, comme l'ego de l'homme, va avoir peur de la mort. Alors, nécessairement, elle va essayer de manipuler. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, l'homme nouveau, un exorciste, c'est justement une agression contre ces agressions que l'homme nouveau va travailler et que les humains qui vont devenir ou qui sont suffisamment transitifs devront travailler à un moment donné pour s'exorciser pour commencer. C'est-à-dire que l'homme a un âme avec de l'ego, un âme avec de la mémoire, c'est quasiment identique à ce qui se passe dans le ciel, dans les égrégores de certaines religions. L'égrégore est paramétré par de l'énergie vitale, donc deux religions peuvent se côtoyer sans s'intermêler. Ils peuvent même se battre. Et évidemment, à l'échelle de la planète, les infidèles et les autres iront se battre aussi parce que l'égrégore manipulera l'humain de façon à créer suffisamment de nourriture émotive parce que l'émotion nourrit l'égrégore étant astral, étant émotif. Lorsque des milliers de fidèles sont assujettis à prier un égrégore, ils le nourrissent. Donc, le nourrissant, l'égrégore va de temps en temps donner un peu à ses fidèles pour obliger les fidèles à toujours rester vénérés ou encore en vénération devant cet égrégore. C'est pourquoi, souvent, on va donner des noms aux égrégores, Yahvé, etc., etc. Et évidemment, l'égrégore va obliger l'humain à baptiser l'enfant de façon à ce que l'enfant baptisé avec un nom typique de cette religion ou de ce contexte socio-mémoriel de cet égrégore. Hein, on ne verra pas un juif s'appeler Krita. On ne verra pas un mahométan s'appeler Isaac. Bon, c'est normal. Pourquoi? Parce que Isaac est typique, relie l'individu à un égrégore juif. Bon, on a des noms comme Daniel qui relie l'individu à un égrégore catholique romain, etc. L'égrégore va être nourri... Qui veut dire Dieu est mon seul juge, j'en passe. Oui, qui veut dire aussi beaucoup d'autres choses. Enfin, pour les catholiques. Je vous en prie. Donc, l'égrégore manipule les gens, vous constatez, et les force à dire des choses. Pour récupérer les choses, ça nourrit. C'est intéressant. L'égrégore est donc un phénomène hautement intelligent. Lorsque le Nazaréen dit de placer ses trésors dans le ciel, cela veut dire mettez-les dans un égrégore. Lorsque vous aurez l'intelligence et une voix verbale, mentale, vous pourrez contrôler l'égrégore et là, vous pourrez employer ce que vous avez mis là pour faire des choses. L'égrégore est donc une forme pensée qui peut devenir planétaire dans le sens des religions, dans le sens d'un égrégore national, la patrie. Tout le monde meurt pour la patrie, voilà, tu meurs pour l'égrégore. Les égrégores politiques, les égrégores familiaux. Tu tapes mon frère, je me sens tapé, je m'en vais me battre, moi tout. Il y a des races qui vivent de cet égrégore familial et c'est ce phénomène d'égrégore. La petite gang, à un moment donné, où ce que tu dois même pas trahir, même si l'autre est cave ou con, ou etc., c'est un égrégore de groupe, un égrégore collectif. Et évidemment, l'égrégore est l'un des points majeurs de la conscience collective, des forces d'évolution contre laquelle l'homme nouveau, à un moment donné, va lutter. Et lutter pas contre l'homme, contre l'égrégore. Et lorsque l'on parle de l'homme nouveau en exorcisme, évidemment, on fait référence au phénomène de la manipulation qui oblige l'homme à être ce qu'il n'est pas. Le Christ a-t-il réellement souffert physiquement sur la croix? Du Christ, ça ne souffre pas. L'enfant Jésus, l'ego, l'homme a souffert. Le Nazaréen, donc le Christ, non. Il avait une réverbération son sensible avec la souffrance de l'autre, mais lui n'en souffrait pas. Pourquoi la souffrance, c'est stupide. Ce n'est pas intelligent, autrement dit. Donc, intelligent, ça ne peut pas souffrir. Mais il y avait des sentiments, toutefois. Oui, oui, faites-en pas. Il y a peut-être eu le sentiment de souffrir. Il n'était pas perdu à ce point-là. On a toujours peur que pas d'émotion veut dire robot, matière, plaque. Non, le sentiment est au-delà de l'émotion. L'émotion, c'est le sentiment vécu par l'homme. Puis le sentiment, c'est l'émotion divine. Pour te faire plaisir au féru. Mais l'émotion, c'est pas génial. Ça rend l'homme malade, ça le vieillit, ça le stresse, ça l'envoie à la haine, ça l'envoie à la guerre, ça le fait souffrir. Il tombe en amour, il a peur de perdre l'amour. Enfin, il y a tellement, tellement de choses. Le sentiment, tu vois un nuage, c'est un nuage, il est génial, il est plus là, il est plus là. Là, on va dire, ouais, mais c'est con, on vit de même. C'est pas con, on vit comme ça. C'est comme de dire, c'est con d'arrêter de souffrir. Pour certains humains, oui, la souffrance était tellement connue qu'elle est sécure. Qu'est-ce que ce serait un monde sans souffrance? Ce serait souffrant. L'humain a tellement peur qu'il préfère conserver ce qu'il a. Le Nazaréen avait des sentiments. Le sentiment ne le faisait pas souffrir. Ce n'est pas intelligent de souffrir, c'est humain de souffrir. Vous voulez dire qu'il aurait vaincu la souffrance chez les hommes? Non. L'intelligence ne souffre pas. Lorsqu'elle descend chez l'homme, elle ne souffre toujours pas. L'homme qui l'a rejoint, l'homme tant qu'il a de l'ego, lui souffre. L'ego a souffert. Celui qui est mort sur la croix, qui a broyé à la fin, lui a souffert. Imagine-toi. Lui, c'est un homme égoïsé. Puis on y prend le corps, on fait ce qu'on veut avec. Okay. Après ça, quand on est fini, on ne le remercie pas, on plante une croix, on s'en va. OK, l'ego de Jésus a souffert, mais son... Pas le Christ. OK, ça va. Il était tout au plus sympathique à la souffrance de son ego. Tout au plus. Merci, Daniel, d'être bien chier. Et vous donc, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le savoir christique? Le savoir christique, c'est le savoir instantané, c'est-à-dire que c'est la connexion entre l'homme terrestrifié, l'humain, anégoïque, avec une intelligence instantanée. C'est le savoir christique. Le Christ était quelque chose de vivant. Il ne pouvait donc pas mourir, évidemment. Quelque chose de vivant ne peut pas mourir. Seule la mort conserve la mort. Et le savoir christique, alchimiquement, le terme savoir christique est un terme beaucoup plus alchimique, disons, que théologique, catholique. Et le savoir christique, c'est le savoir instantané. C'est de ce que je parle régulièrement. C'est le contact avec l'intelligence supérieure. Que pensez-vous des 10 commandements? Il y avait 20 commandements, sauf que on a échappé une table. Elle a cassé. Alors, on est arrivé avec la seule table qui restait avec les 10 commandements qu'il y avait dessus. Bon. Évidemment, il s'en est pas vanté. C'est pour ça qu'on reste avec l'idée qu'on a 10 commandements. Il y a bien des choses que l'homme ne sait pas. Vous savez, c'est des tables en pierre, hein, qu'on échappe ça sur de la roche, ça casse. Alors, les 10 commandements, ce qui est intéressant dans les commandements, c'est que ce sont des phénomènes paramétrant l'humain qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas d'intellectuance, mais qui a suffisamment d'âme pour arriver, à un moment donné, à se sentir coupable de déroger d'un chemin relativement intelligent pour lui, mais on ne peut pas expliquer l'intelligence à l'humain. Alors, on lui dit ce qu'il ne doit pas faire parce qu'il y aura de la vengeance, il y aura un dieu de colère, dépendant évidemment de l'époque où ça va être amené. Alors, les commandements, on ne peut pas. Les commandements, c'est l'interprétation émotive ou théologique d'un savoir instantané amené par Émile Kisedek à un bonhomme. Et ce bonhomme-là a transmis ces commandements-là à l'humain de façon à paramétrer l'humain pour que l'humain se dirige vers un chemin que lui, qu'on sentait intelligent. Si on regarde les commandements, bon, tu aimeras qu'un seul Dieu. Ben, t'as pas le choix d'aimer juste un seul Dieu pour la simple raison que tous les dieux, c'est la même affaire. Sauf que si tu es émotif, tu tombes en amour avec le dieu Orphée. Non, lui, c'est pour dormir. Tu tombes en amour avec Aphrodite. Si tu es colérique, tu tombes en amour et t'es en vibration avec le dieu Mars. Si tu es nonchalant, tu tombes en vibration avec un autre dieu. Si tu es orgueilleux de ton corps, tu tombes en vibration avec Apollon. Bon, alors, mais c'est tout le même phénomène. Tout à l'heure, on parlait de triunité. Selon ce que tu vis, tu vas chercher une de ces formes de divinité. Alors donc, les 10 commandements, tu n'aimeras qu'un seul Dieu, mais à un moment donné, tu te branches toi, essaie de finir par englober consciemment une seule chose. Il y a tous les commandements qu'on a donnés, il y en a 10, mais bon, il y en a un peu plus que 10, comme je vous dis, sauf que les 10 qui sont restés traditionnellement, disons, à l'échelle de l'Église catholique, ce sont des paramètres qui ne peuvent pas être démolis par l'intelligence, mais qui pourraient être drôlement ajustés. Le plus grand, c'est quand je parle des enfants, tu honoreras ton père et ta mère s'ils sont honorables. Alors, on doit ajuster, à un moment donné, le commandement. Sauf qu'à l'époque, de toute façon, c'était pas nécessaire. Mais l'intelligence ne peut pas démolir un de ces commandements parce que ce n'est pas un commandement. C'est de l'intelligence exprimée. Et on va dire à l'homme, c'est un commandement parce que l'homme ne peut pas comprendre l'intelligence. Sauf qu'à un moment donné, ben, les commandements, ils doivent être transcendés, ils doivent être perfectionnés. Mais tu peux pas démolir ça. C'est comme aimez-vous les uns les autres. Je peux pas dire l'inverse. L'humain qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, c'est ce qu'il fait. Même s'il pense haïr, il s'aime. Alors, il s'aime la zizanie, mais enfin, il s'aime. C'est ça qu'il veut maîtriser, c'est ça. Tout est là quand même. Le commandement explique une chose qui est déjà présente, sauf qu'elle est ajustée à l'humain de l'époque. Au fait, pourquoi est-ce qu'il a réduit ça à 2 commandements dans l'Évangile? Ben, pour la simple raison que 10 commandements, c'était évidemment trop. Ça a-tu un rapport avec le savoir instantané? Ben oui, un ajustement immédiat. Et c'était trop. Puis même les 2 commandements que le Nazaréen a laissés, c'était encore souvent trop. D'ailleurs, il les a laissés pour les Grégores judéo-catholiques. Et il ne les a pas laissés pour l'humain de l'époque. L'humain de l'époque ne peut pas le comprendre. Un humain, prenons l'exemple de l'homme qui, à un moment donné, dit « Je vais aimer mes ennemis comme moi-même. » C'est déjà problématique si tu t'haïs. Bon. Mais si tu arrives à aimer tes ennemis comme tu aimerais qu'eux autres t'aiment, ce qui est plus ajusté. C'est pas? Alors, à un moment donné, tu détestes un ennemi, puis là, tu commences à te maudire, tu commences à t'haïr. T'sais, si tu peux pas t'aimer toi-même, tu peux pas arriver à aimer les autres. Alors, le Nazaréen a évidemment ajusté ces choses-là de façon à... Tu oublies une copule. Commençons par 2 plus importants, puis on peut constater que ces 2-là, évidemment, englobent tous les autres. C'est ça. Puis que le premier englobe, de toute façon, le deuxième. Alors, l'intelligence, ça démolit pas l'intelligence. Oh, par contre, ça peut la raffiner. Autrement dit, c'est laisser au savoir instantané de s'adapter avec ça. Selon les siècles... La seule chose dans l'homme qui va être capable d'aimer, c'est l'intelligence. D'aimer réellement, globalement. Fonctionner. Est-ce que tu peux te préparer à aimer? C'est pas instantané. Est-ce que tu peux regretter d'avoir aimé? Est-ce que tu peux, on peut s'amuser longtemps, mais l'amour tel que l'humain le vit, c'est un amour qui est tout à fait sélectif. C'est l'ombre de l'amour. Ça ne s'apprend pas, c'est ça. C'est un amour mort. Non, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Et lorsque tu l'as vécu une fois, est-ce que c'est réglé à jamais? C'est vivant, donc c'est jamais réglé. Pourriez-vous expliquer la différence entre la conscience christique et l'esprit christique? Merci. Bon, la conscience christique. L'esprit christique, c'est ce qui va amener dans l'homme la conscience christique. Donc, l'esprit christique, c'est ce qui, à un moment donné, entre ou tente d'entrer en contact, avec l'homme, par le biais de l'ajusteur de pensée, qui va assujettir sous son contrôle l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur psychologique, l'intellect, qui va lentement instruire l'ego de certaines choses, donc commencer la phase d'anégoïsation. Souvent, la phase d'anégoïsation chez l'homme ancien commence par la phase d'humiliation. Bon. Et c'est d'ailleurs très facile, vu qu'il est collectif dans sa conscience. On a qu'à manipuler 3 ou 4 individus pour le regarder tout croche, puis automatiquement, ils font déjà. Bon, c'est déjà très intéressant. La conscience christique, c'est lorsque l'humain entre en contact avec l'esprit christique. Automatiquement, il commence à vivre d'une conscience christique, c'est-à-dire qu'il a une conscience planétaire humaine, et il vit d'une bilocation de conscience. Il a aussi une conscience galactique qui lui permet de pouvoir expliquer les choses du point de vue galactique, cosmique, et de pouvoir ajuster à l'homme parce qu'il reste assujetti au point de vue humain par le fait qu'il a un corps physique. Donc, l'esprit, c'est une chose libre. Lorsqu'elle est exprimée par un homme, engendre chez l'homme la conscience. Si le phénomène de la pensée est auto-énergisant et que je n'arrête pas de penser, comment puis-je faire pour ne plus méditer, ignorer mes pensées? Ça ne se fait pas comme cela. Ce n'est pas une question de désir ou d'intentionnalité pour arrêter de penser. Souvent, la pensée ne pense à rien, donc elle pense à rien. Alors, ça donne l'illusion à l'homme qu'il ne pense plus. En réalité, il pense, mais à rien. Penser à rien, cela se fait. La pensée reste. La mutation neuronique, tout à l'heure, on a parlé du phénomène de atomique. Ouais, exactement. L'intelligence supramentale, d'ailleurs, opère des mutations neuroniques chez l'homme, endocrinienne et neuronique, ce qui, évidemment, engendre une mutation psychologique, une expression nouvelle de la psychologie, étant donné que le cerveau ne peut plus raisonner au même palier plus densifié de l'âme. Lorsque la personne, lorsqu'elle fait un travail, vous faites ce que vous avez la vibration de faire et vous continuez à faire ce que vous avez la vibration de faire. De toute façon, tout est parfait. Et à un moment donné, la personne va finir par avoir une pensée qui sera ajustée. Lorsque la pensée est ajustée, cela veut dire qu'elle n'est plus libre d'être soumise aux manipulations astrales dont est sujet l'homme régulièrement. Je dis souvent que l'homme pense qu'il pense, mais il ne pense pas, il est manipulé à penser. Alors, la méditation est quand même une forme de manipulation de pensée. Lorsque l'humain veut cesser de penser, ça continue à penser dans sa tête, parce que ce n'est pas lui qui pense, justement. À un moment donné, on va lui donner l'illusion, on lui donne un break au niveau des plastros, c'est-à-dire qu'on peut couper, on peut lui faire penser à rien. Donc, on place un vide chez lui. Un vide que, énergétiquement, il va trouver tellement plein, c'est normal. S'il n'y a plus de pensée, l'énergie passe plus librement. Donc, c'est là que tu rencontres un vide plein. Un vide de pensée, mais plein d'énergie. Sauf que souvent, c'est une illusion des forces astrales pour permettre à l'individu de prendre confiance en une démarche qu'il fait. Parce que si on a confiance en une démarche, on finit par s'y attacher. Si on s'y attache, quand la démarche n'est plus utile pour toi, tu restes pogné dedans. Et c'est souvent ce qui va se passer. Donc, l'humain va continuer à faire ce qu'il a à faire. Il y en a qui font le PMC, il y en a qui font la technique Nado, il y en a qui fument, il y en a qui font tout ce qu'ils ont à faire. Et à un moment donné, l'humain finit par passer par des processus mutatoires qui l'amènent à avoir une cessation de pensée. Elle commence comment? Par la parole. Je parle présentement et je ne peux pas penser parce que je parle trop vite pour penser. D'ailleurs, certains ici disent même, effectivement, tu parles même assez vite que moi non plus, je n'arrive pas à penser. Et c'est pourquoi aussi je parle comme ça. Ça évite d'intellectualiser tout ce que je dis. Une conférence comme je n'en ai jamais entendu d'aussi intelligente. Avez-vous un programme qui nous amène à l'ajusteur de pensée dont vous avez parlé? Combien ça prend de temps? Ça prend le temps qu'il faut. Si vous me garantissez votre état de départ, on va vous garantir le temps du résultat. Maintenant, une chose certaine, c'est que avez-vous un programme qui nous amène à l'ajusteur de pensée? Non. Chaque humain a à suivre son chemin. Certains humains auront un chemin qui croiseront celui du centre de l'universalité, qui croiseront peut-être des choses que je vais faire. D'autres humains auront un chemin qui vont croiser un peu, étant donné que vous êtes ici, ça croise déjà un peu. Mais est-ce qu'on a un programme qui s'adresse à l'humanité pour les amener à un ajusteur de pensée? Non. Chaque personne est individuelle. Évidemment, le programme Être contrôleur est un programme qui quand même s'ajuste à plusieurs formes d'individus. Donc, l'individu peut écouter pour le savoir. Sauf qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a un programme qui permet à tout le monde d'y arriver? Non. D'autres individus ne me connaîtront jamais, ils vont y parvenir. D'autres individus me connaîtront et ne suivront aucun programme, ils vont y parvenir. Tandis que pour beaucoup d'autres, ce sera presque essentiel de passer par le programme Être contrôleur. Alors donc, ça dépend de l'humain. Il n'y a pas de technique présentement, il n'y en aura jamais d'ailleurs, qui sera absolument universelle. Bon, il peut y avoir un centre un jour qui fera 10 000 techniques, donc le centre sera universel, mais les techniques seront des techniques qui seront adaptables aux humains. Alors présentement, si l'humain a le feeling 2, c'est peut-être parce qu'il a à le faire. S'il n'a pas le feeling 2, c'est qu'il n'a pas à le faire. Mais je n'ai pas à dire à une personne, tu peux ou tu dois, ça ne me regarde même pas. Alors il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, mais une chose certaine, tout est possible. Le chamanisme permet-il d'être en contact avec la connaissance instantanée? Y a-t-il un lien entre un chaman et les disciples de Jésus? Bon, le chamanisme se permet d'entrer en contact avec la mémoire d'une intelligence. Elle peut être intelligence mentale ou supramentale. Donc, le chamanisme permet à un humain d'entrer en contact avec les vestiges d'un contact supramental. Autrement dit, le chaman peut entrer en contact avec de l'astral supramental, mais ne peut pas entrer en contact avec de l'énergie supramentale pure. Autrement dit, le chaman peut entrer en contact avec de l'énergie christique mémorielle. Donc, tout ce qui a déjà été dit d'une façon christique, c'est mémorisé. Il peut entrer en contact avec cela, mais il ne peut pas entrer en contact avec de l'énergie christique pure. Toute technique, drogue, rituel, ceci ou cela, doit enseigner à l'humain comment se passer de la technique. L'homme nouveau n'a plus de technique. Si on regarde les techniques du PMC, elles sont tous là pour amener quelque chose, et à un moment donné, l'individu doit laisser la technique. Et sinon, il doit recommencer, parce qu'il n'a rien compris, ou parce que la technique n'est pas juste à lui. Alors le chaman qui reste assujetti à un rituel, à une certaine, disons, technicalité pour arriver à ce contact, passe par la voie de la mémoire, et se refaisant mémoriellement le rituel, le même chemin mémoriel, il parvient encore à retrouver l'endroit où a été mémorisé cet astral supramental, cette énergie christique mémorisée. S'il veut y aller directement, il ne peut pas parce qu'il ne connaît pas le chemin. Tandis que l'homme nouveau, celui qui n'a pas besoin de cette technicalité, mais qui a quand même pu suivre des techniques pour parvenir à améliorer son corps, ben lui, lorsqu'il en a besoin, évidemment, le contact se fait. Vous avez répondu à une question de Roger Drolet par rapport aux Nazaréens. Que ça vous regardait, vous. Quelle est la raison de cette réponse? Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, ça l'a frustré certaines personnes quand j'ai répondu à Roger que ça me regardait. Et ça risque d'en frustrer encore plus si je réponds pourquoi j'ai dit ça. Mais il y a des choses qui effectivement me regardent, il y a des choses que je peux supporter, il y a des choses que d'autres ne peuvent pas supporter. Alors, ce qui fait que, autant c'est à l'heure. Quand Lazare se fera connaître et qu'il viendra juger le bien et le mal, qu'est-ce qui sera bien et qu'est-ce qui sera mal? Le bien et le mal est déterminé par l'humain qui le vit. Lazare induit des événements qui, pour l'humain, peuvent être bien et pour l'humain, peuvent être mal. Lazare ne viendra pas juger le bien et le mal, étant donné que c'est celui qui engendre les deux phénomènes. Il crée l'Église et en face, il crée le bordel. Lorsque l'humain est trop au ciel, il s'arrange pour manipuler la société de façon à ce que l'humain ait un peu au bordel de bord. Lorsque l'humain est suffisamment terrestrifié, ben là, il est regroundé, donc terrestrifié. Alors là, il ferme le bordel, puis il commence à faire de la propagande religieuse, et l'humain traverse encore la rue. Ce qui se passe au niveau planétaire, un exemple très facile à comprendre, là. On a une guerre, on a une paix, on a une famine, on a ceci, on a, bon. Là, Lazare ne vient pas juger le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien et le mal? Le mal, c'est une énergie trop spatio-densifiée, une énergie trop dense qui, accolée à une énergie plus haute, apparaît mal pour l'énergie plus haute. Le bien, c'est l'énergie qui est plus haute que le mal. Pour le mal, c'est le bien. Tout ce qui tend à vous baisser en vibration, vous l'appelez mal. Tout ce qui tend à vous élever en vibration, vous l'appelez bien. Sachez une chose, pour le mal qui vous accole, vous êtes du bien. Mais pour le bien que vous recherchez, vous êtes le mal. Lorsqu'on a une énergie haute qui est bienfaisante pour nous, qui nous permet de monter, nous, on la baisse. Alors, on est satanique pour elle. Elle est yavique pour nous. Lorsqu'on a une énergie basse qui nous accroche et qui nous tire par en bas, nous sommes yavique pour elle. On la fait monter. Mais elle est satanique pour nous. Qu'est-ce que le bien et le mal? Question de relativité. Tant que l'être humain évolue d'une façon collective, il sera sujetti au bien et au mal pour la simple raison que lorsqu'un individu monte un peu, il doit entraîner tout le monde. Donc, évidemment, il rencontrera le mal tout au long de sa vie. Lorsque l'individu se libère carrément de la conscience collective, lorsqu'il arrive à exorciser chez lui cette conscience, nécessairement, il ne souffre plus ni du bien ni du mal, et évidemment, il n'en voit plus sur la planète Terre, parce que ce n'est plus utile pour lui que d'en voir. De toute façon, ça n'existe pas. J'aimerais connaître l'apparence physique de Jésus. Merci. Il ne vous aurait pas. Non, je réponds à la personne, c'est pas son genre. Je pense que j'ai une photo à la maison, Daniel. J'amènerai ça à cette tante. Pas celle qui était dans la guenille, dans le suaire. Non. C'est une photo qui... Parce que c'est pas la réplique exacte. Ça, c'est autre chose. Non, mais c'est une photo après la résurrection, je pense. Ouais. Parce que la photo qu'on a dans le suaire de Turin, c'est une dégradation. Pourquoi ça l'a imprimé premièrement? C'est parce qu'il y a eu une transformation électro-énergétique à l'intérieur même du corps. Le corps a été dissous en dedans de 3 heures à peu près. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas retrouvé. On a retrouvé le suaire, mais on n'a pas retrouvé le corps. Et il y a autre chose, c'est que, étant donné que le Christ a été sorti de ce corps, le Christ de son vivant exprimait biologiquement la personnalité d'un être christique. Lorsqu'il est sorti sur la croix, le gars qui est resté là, qui a crié, et Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Lui, lentement, aurait transformé le corps ajusté à l'ego qui était déjà là en problème. La photo qu'on a dans le suaire de Turin est la photo de ce bonhomme. donc de cet ego qui est présentement réincarné, mais qui vivait un phénomène tout à fait humain et égoïque. Alors on ne peut pas prendre cet exemple pour avoir une idée de ce qu'était le Nazaréen. L'idée mémorielle que nous avons est plus ajustée. Par exemple, la peinture là-bas qu'on a du Nazaréen est une idée plus ajustée de ce qu'il était de son vivant, mais extrêmement empreinte et colorée par l'émotion de ceux qui l'ont vu. Cette idée nous provient des mémoires akashiques, c'est-à-dire qu'elle nous provient de la mémoire christique laissée sur le plan terrestre par le Nazaréen. Tout le monde a une vague idée de ce qu'il peut avoir, et les icônes et les figures qu'on dessine sont tirées de cette mémoire. Et c'est beaucoup plus juste que ce qu'on va retrouver sur le suaire. Maintenant, une chose importante, c'est que cette image, comme celle qu'on a là-bas, qui est relativement typique, je pense que c'est le seul qu'on n'a pas besoin de mettre le nom en dessous. Hein? Bon, tout le monde le connaît, même sans l'avoir jamais vu. C'est une mémoire proche, mais extrêmement colorée par l'émotion des gens. Alors, on va y donner des yeux bleus, on va y donner ceci, cela, cela, c'est relativement coloré. Puis une chose évidente, évidemment importante, c'est que ce n'est pas important de savoir que quoi il semble. Que veut dire œuvre de chair? Ça peut vouloir dire bien des choses, ça dépend du contexte où on emploie ce terme. Une œuvre de chair, normalement, va être, disons, dans sa terminologie la plus haute, va être une mutation neurologique, biologique, chimique, donc organique, par l'intelligence d'un corps de chair. Donc, ça devient une œuvre de chair, c'est-à-dire qu'on fait d'un phénomène inintelligent un réceptacle pour exprimer l'intelligence. Si j'ai bien compris, le rôle de l'Église achèverait. Non, cette personne désire que le rôle de l'Église achève. Elle avait déjà l'idée que c'était pour achever et elle pense que j'ai supporté son idée. C'est pourquoi elle veut encore que je la supporte, ne pouvant elle-même supporter ses propres idées. Si j'ai bien compris, le rôle de l'Église achèverait. Le rôle de l'Église est le rôle de l'Église et il n'est pas loin d'achever. Évidemment, les formes vont changer. Quelle partie du Nazaréen vit à la Guarta et où est situé cet endroit sur notre planète? La seule partie du Nazaréen qui vit dans la Guarta, c'est la mémoire nazaréenne. Le Christ lui-même n'a rien à foutre avec les personnages de la Guarta. Absolument rien. Encore moins avec Shambhala. Tout le monde a compris, n'est-ce pas? Je ne suis pas habitué avec ces termes. La Guarta, qu'est-ce que c'est? En théologie, il n'enseigne pas ça. Serait-ce que l'Église va changer? Ça serait très, très, très, très, très long à expliquer, mais disons que la Guarta et Shambhala seraient deux centres dans le fond de notre planète, faisant référence à une terre creuse, évidemment, où les maîtres du monde vont vivre et vivre depuis déjà belle lurette. Les maîtres du monde sont des bonhommes et des bonnes femmes extrêmement pognés qui sont obligés d'être yavik par rapport à l'humanité, aider l'humanité à évoluer, parce qu'eux ont eu un contact supramental à un moment donné, un contact christique. Ils avaient trop d'ego, ils se sont pris au sérieux, ils ont commencé à engendrer une fusion avec leur corps, leur double éthérique, avec de l'ego à cette époque, et ils n'ont pas pu finaliser leur fusion, donc ils ne peuvent pas quitter le contexte évolutionnaire de notre planète. Alors, nécessairement, ils vivent dans une région où il y a le minimum de forces astrales, parce qu'ils sont relativement supramentales, donc ils sont toujours en guerre contre, donc ils se cachent là où il n'y a pas d'hommes, là où il n'y a pas d'égrégore astral. Et pour arriver à s'en sortir, ils ont besoin de la puissance d'une grande partie de l'humanité, et cette humanité doit monter à un niveau vibratoire tel qu'elle sera suffisamment mentale pour attirer plus d'énergie supramentale que eux vont se servir pour sacrer le camp. Lorsque l'humain arrive à un niveau suffisamment avancé, le maître l'a aidé, le maître du monde l'a suffisamment aidé. Lorsqu'il est prêt, l'humain, à continuer, le maître le retient et le retarde. Au fond, ce sont de vieilles mémoires qui essaient de... C'est des phénomènes relativement intéressants, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt matériels que mémoriels. Évidemment, ils sont mémoriels. En contact avec les vestiges supramentales qu'ils ont attirés lors de leur demi-fusion. Et on va, tous ceux qui vont être modelés, manipulés par ce phénomène des maîtres du monde, vont évidemment vouloir avoir quelqu'un à qui avoir bien, bien confiance. Alors, ces maîtres les instruisent que le Christ fait partie de ses maîtres et que souvent, il est le boss des maîtres. Le Christ est le boss des maîtres par le biais de Lazare, mais ces deux-là ne restent pas dans la Guarta au Shambhala, c'est-à-dire qu'eux autres veulent faire un paquet de conneries, mais ils sont limités par l'intelligence christique par le biais de Lazare habituellement. Donc, on aura Shambhala et la Guarta, on aura le pôle négatif et le pôle positif qui engendreront différents phénomènes, apocalyptiques entre autres, comme les guerres, comme ces choses-là, qu'on a eues dans le passé et que peut-être on aura dans l'avenir, mais ce n'est pas encore assuré. Bon, le jugement n'a pas été rendu. Bon. Alors donc, ce qui fait que la Guarta et Shambhala sont ces choses-là, l'un des deux est situé au pôle nord, donc qui est situé sur le territoire du nord-ouest de notre Canada, sur le Québec ésotérique, et l'autre dans le fin fond de l'Himalaya au Tibet. Si mon ego n'existe pas, s'adresse à ton ego qui n'existe pas, qui parle à qui? La question n'a pas de sens étant donné que c'est l'ego qui pose la question. Lorsque l'ego qui n'existe pas s'adresse à ton ego qui n'existe pas, qui parle à qui? Lorsqu'il n'y a pas d'ego et qu'il n'y a pas d'ego, que deux êtres humains égoïsés en contact supramental se rencontrent, mais ils ne se parlent pas. Vous dites que Lazare soit réincarné actuellement sur la planète. Qu'est-il? Est-il au Québec? Ah, ça va être moins frustrant. Ça, ça le regarde. Que dites-vous que le 13e... Vous dites que le 13e faisceau n'est plus sur la planète actuellement et la semaine dernière, vous avez parlé d'énergie christique de retour sur la planète. Qu'en est-il vraiment? L'énergie christique, c'est l'énergie supramentale qui va être pluralisée en différents faisceaux. Donc, il y a 14 faisceaux, il y a un 13e faisceau qui n'est plus à l'échelle de notre planète, même si on en reçoit évidemment ses conséquences spatio-temporelles. Il y a un faisceau qui est plus ou moins présent à l'échelle de notre planète, le faisceau Lazare. Et il y a évidemment 12 autres faisceaux qui sont tout à fait placés sur la planète. Tous ces faisceaux sont de sens christique. Lorsqu'on parle du retour d'énergie christique ou du retour christique, on parle évidemment d'une descente d'énergie supramentale qui se fait de plus en plus au Québec et qui a commencé, disons, en 1969 et qui s'accentue régulièrement. En 87, on pénètre de plus en plus, de par notre situation géospatiale dans notre galaxie, dans un faisceau d'énergie supramentale. Et cela va s'accentuer jusque vers la fin des années 1990. Être croyant, est-ce croire à l'Église ou à Dieu? Très bonne question. La personne qui croit devrait se la poser et elle devrait être capable de se répondre. Les deux croyances sont bonnes, mais les deux n'amènent pas le même résultat. Vous voulez dire que c'est le fait du savoir instantané? C'est-à-dire que si je crois en l'Église, ça peut être intéressant, mais croire en l'Église, ce n'est pas croire en Dieu. Si je crois en Dieu, c'est intéressant, mais si je crois en Dieu, je ne crois pas en l'Église. Est-ce que je peux croire aux deux en même temps? Oui. Mais je ne peux pas croire aux deux en même temps, C'est-à-dire que je peux mémoriellement avoir les deux croyances, mais lorsque je crois en Dieu, je ne peux pas croire en même temps l'Église, instantanément. Lorsque je crois en l'Église, je ne peux pas instantanément en même temps croire en Dieu. Les deux sont séparés. Maintenant, l'Église est une expression plus basse, densifiée de l'énergie de ce que la personne appelle Dieu, et ce n'est pas meilleur de croire à l'un plutôt qu'à l'autre. On doit être assujetti énergétiquement à ce qu'on a, à ce que l'on a besoin. Autrement dit, si tu rencontres Dieu qui peut être la banque, puis la banque est fermée, tu serais peut-être mieux d'aller voir le dépanneur du coin pour changer ton chèque. Alors, le dépanneur peut être l'Église, c'est moins riche puis c'est plus cheap que la banque, mais si la banque c'est Dieu puis que le dépanneur c'est l'Église, ben si la banque est fermée à toi puis que le dépanneur est ouvert, t'es mieux de commencer par le dépanneur. Alors croire en l'Église ou croire en Dieu, lequel est le meilleur, ça dépend de l'individu. Il n'y a rien de plus beau ou plus haut, tout doit être ajusté. Souvent l'humain est péjoratif. L'humain est toujours en train de rechercher une évolution en escalier. Oh, de temps en temps on donne l'exemple de l'escalier. Mais l'humain a toujours l'idée que si je monte une marche, ça veut dire que l'autre marche, ben c'est de la merde. Pour que l'humain... Pourquoi? Parce que l'humain n'est pas capable de comprendre l'intelligence de l'amélioration. L'humain a besoin. L'humain vit une évolution émotive. Or, l'humain doit se dire, si je suis là, c'est parce que j'ai raison d'être là. Si j'ai raison d'être là, c'est que partout ailleurs, ça vaut rien. Parce que si ailleurs, il y a des places meilleures, ben je vais me sentir con, médiocre, imbécile. C'est ce qu'on appelle l'ego, l'égocentrisme. C'est le problème de l'ego, exactement. Alors, l'humain est obligé de démolir le reste. Alors, je crois en Dieu. C'est pas en l'Église, moi. T'es rendu cette phase-là. Là, moi, je crois en l'Église. Automatiquement, je crois en Dieu. T'es à cette phase-là. Mais lequel des deux qui est le mieux? Aucun. Chaque humain a son chemin. Chaque humain change de marche et ouvre une nouvelle porte. Chaque humain fonctionne comme il a fonctionné.